Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où l'on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marquées durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 29, enregistré le 22 février 2018. Je suis Axel, votre hôte durant ce podcast. On va parler des actualités du 27 janvier au 22 février. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mes deux invités habituels. Si vous écoutez le podcast depuis ces 28 derniers épisodes, vous les connaissez sûrement. Si c'est la première fois que vous écoutez, ben bienvenue. Bonne chance surtout. Ouais, bonne chance. on commence avec Morgane qui a pris la parole. Donc salut Morgane. Bonsoir. Comment tu vas? Parfaitement. Déjà avant l'enregistrement, tu étais en pleine forme et sais que tu es vraiment là en pleine forme, donc ça va faire du bien parce que Eddie et moi-même avons passé deux gros zombies. Voilà, On a passé une journée assez, des journées assez longues, voilà. Moi aussi, attendez. Oh. Oui, non mais. Je ne dis pas que tu n'as pas passé une journée très longue, hein, mais voilà. 2h30 à la salle de sport ce matin, et dis donc, de 9h à 11h, hein, et oh, 11h30, je calcule mal. Du coup, le deuxième invité, c'est Eddy, salut. Salut. Comment tu vas? Bon. c'est compliqué. Ouais. On survit. C'est ça. On survit difficilement. Disons que c'est la fin de journée, quoi. Oui, voilà. Je tiens à préciser que c'est toi qui a proposé de finalement enregistrer ce soir. Oui. Hein. Et je savais pas. J'aurais bossé demain matin, je l'aurais pas. Ouais. Non, c'était mort. Non. Je pense que là, il fallait prendre un peu plus soin de sa santé là. Mais bon, c'était pas très légal de finir à 18h pour retourner à 6h le matin. Donc. Oui, c'est clair que ça paraissait un peu, un peu bizarre. On a pas mal d'actualités dont on va vous parler ce mois-ci. Du coup, comme il y a eu aussi le Super Bowl aux États-Unis, il y a eu pas mal de bandes annonces. Donc voilà. Et une gros coup de marketing énorme de la part de Netflix quand même. Oui, aussi. Puisque la bande annonce de Cloverfield Paradox. Je pleure parce que c'est douloureux. Est sorti et en fait, ça a annoncé le film qui de base était prévu sur la plateforme, je crois, en avril. Ouais. En fait, la bande-annonce est sortie et une heure après, le film était sur Netflix. Donc, le monde a tremblé. Ouais, et en voyant c'est le film. C'est clair. Voilà. Je l'ai pas encore vu, moi, j'avais envie de le voir, puis en fait. Mais c'est pareil. Comment être refroidi, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ah ouais, tout le monde l'a descendu, ce film. J'ai pas vu un avis positif. Mais vous avez compris que j'ai détesté. Mais il était dans mes attentes, hein, quand même. Hein, donc, la douleur était énorme. Faut pas s'attendre à autant de maîtrise que 10 Cloverfield Lane, parce que vous chassez une licorne, quoi. Donc, c'est l'impossible. Après, c'est vrai que 10 Cloverfield Lane était quand même à un niveau bien. Même le premier, moi j'ai adoré le premier. Autant le premier est pas parfait, mais je trouve que la suite était quand même. Il y avait du level, quoi. Puis c'était une suite qui arrivait à se démarquer. T'avais pas besoin d'avoir vu le premier pour comprendre, c'était assez indépendant. Oui, tu limites, tu peux voir. L'apprécier en tant que tel. Tu peux même voir le premier, enfin tu peux même commencer par 10 Cloverfield Lane en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de. Que là, effectivement, ils cherchent à faire un lien qui est. Le dernier plan final est. J'avais dit qu'il était classe, mais en fait, plus j'y pense, plus c'est du gros nanar en perspective. Mais c'est douloureux, quoi. En fait, tu comprends pourquoi ils l'ont fourgué à Netflix. C'était pas sortable. un film comme ça, je crois que là. Que c'est ça. Hein. Ouais. Ils ont maquillé ça C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûr qu'ils ont vu le film. Ils se sont dit, mais on peut pas sortir ça sans qu'on se fasse vraiment lyncher. Donc on va faire ça. Ça aurait pas marché. En plus, il devait sortir, je crois, en mars-avril, donc pendant Avengers. Donc là, ils sont dit non, il y a le Spielberg, Avengers, on est pris entre les mailles du filet, on peut pas. Donc allez, on contacte Netflix. Netflix, c'est un peu, je trouve, un. Enfin, c'est un peu un réservoir, quoi. Il y a à boire et à manger sur Netflix. Il y a aussi beaucoup à gerber, hein, quand même, sur Netflix. Netflix, je trouve ça un peu surcoté quand même, on va se l'avouer. Mais... ils sont meilleurs en termes de séries qu'en termes de films, hein, de manière générale quand même. Ouais, mais et encore, sur 15 séries Netflix, il y en a peut-être quoi, 3-4 qui sortent du lot, mais il y a plein de séries Netflix dont on parle pas, qui sont là, qui traînent dans mes suggestions. Honnêtement, personne n'en parle, hein. Et pourtant, il y en a des sympas. Hein. Moi, je viens de regarder les deux saisons de The Good Place. Et là, je suis en train de regarder The Good Place, Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, c'est trop bien, ça. Ouais. je me c'est marre. Excellent. Ouais. Ça, oui. Mais après, il y a plein de séries à côté. Je sais pas, dont on... Enfin, je trouve qu'ils ont Orange, mais... Orange is the New Black et tout ça, quoi. Enfin, il y a BoJack Horseman. Il y a vraiment des séries. Hier, je regarde parce que je me suis dit, tiens, il y a The Good Place qui me tente beaucoup. Il y a aussi une série dont c'est récent, The End of the Fucking World. Ça, tout le monde en a parlé. Ouais, La Casa del Papel, tout le monde me parle que de ça en ce moment. Il y a The Crown aussi qui leur coûte super cher, mais c'est magistral, hein. Il paraît. Il faut aimer le sujet, mais je veux dire, c'est de très très bonne facture. Chaque épisode, on sent le budget, mais c'est pas tape à l'œil, quoi. C'est vraiment. Très très beau. Donc voilà. ça faisait pas partie des news, hein. Vraiment. Il y aura pas de lien concernant ça, puisque c'est pas vraiment une annonce. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait un film Cloverfield qui était sorti. Et qui n'était pas si bon que ça, mais je pense que vous l'avez vu, soit le film, soit les retours assez négatifs. Donc, on va passer à la première news, du coup, qui concerne aussi Netflix, mais un projet qui, personnellement, me tente beaucoup, même si on n'en sait pas grand-chose, mais juste de savoir que ce bonhomme va s'attaquer à quelque chose sur Netflix, ça m'intéresse beaucoup. C'est Charlie Kaufman, qui, bien sûr, a réalisé et scénarisé Anomalisa, qui avait aussi scénarisé Dans la peau de John Malkovich et Adaptation. Donc voilà, il va tourner un long métrage adapté du roman I'm Thinking of Ending Things sur Netflix, du coup, qui sortira sur Netflix à une date, on ne sait pas du tout. Oui. Mais apparemment, le synopsis, c'est. C'est vraiment comment faire vraiment basique et rien dire en même temps. Il s'agit d'un road trip dans lequel Jake emmène sa petite amie pour lui présenter ses parents qui vivent dans une ferme reculée. Là, on se dit c'est un genre de Get Out. Mais après un détour surprise au cours duquel Jake abandonne son amie, la tension et la fragilité psychologique se mêlent à la terreur pure. Voilà, donc c'est vraiment... c'est pour rien dire. Voilà, moi je suis très content que Charlie Kaufman fasse des films, et en plus si c'est pour les voir sur Netflix, alors c'est sûr que je veux pas que ce soit aussi décevant que le Cloverfield, j'en attends quand même pas mal, mais personnellement, sachant la productivité du bonhomme, moi je suis assez confiant, voilà. Eddie, toi, est-ce que ça t'intéresse? Oui, pourquoi pas. J'ai pas vraiment d'avis en fait, mais j'avais bien aimé Anomalisa, c'est vrai. Donc oui, pourquoi pas. Et pas confondre avec un homme, Alisa. Non. d'accord, Morgane. Et toi, moi en fait, je trouve que voilà, Netflix, on dit toujours oui, c'est la créativité, la liberté, je veux bien. Mais j'ai quand même toujours pas digéré Okja, alors que c'est Bong Joon-ho. J'attends de voir The Irishman de Scorsese pour voir si vraiment il y a toute la liberté. Je pense que Scorsese fait ce qu'il veut. Hein. Oui, c'est sûr, mais après, est-ce que ce sera bon? Enfin voilà, j'espère. Hein. Bon. Donc j'attends, je sais pas. Je vais faire un peu mon chieur, mais c'est vrai, par exemple, dans le cas de Scorsese, je fais une petite parenthèse, c'est dommage, j'aimerais bien le voir au cinéma. Bah là aussi, c'est pareil, moi, un film par Charlie Kaufman, j'ai envie de le voir en salle. Après, je préfère qu'il sorte sur Netflix, qu'il ne sorte pas du tout. Ça lui donne une visibilité, peut-être plus de public qu'il n'aura peut-être pas en salle. Ouais. Après, sur le papier, oui, pourquoi pas, mais bon, je me fais pas... Pareil, j'ai jamais vu un film 100% Netflix qui m'a... Enfin, j'ai pas eu encore eu de claque à ce niveau-là. Enfin, je crois. Non. dernier que j'ai vu, je crois que c'était The Open House, un film horrifique avec l'acteur qui joue dans Certain Reason Why. Mon dieu, quelle horreur! Enfin, c'est même pas horrifique, c'est un thriller. Voilà. Ok, ben voilà, donc à surveiller. Passons à la suite. Donc, Dr. Sleep, qui est la suite de Shining, va être adapté en film. Et Par Stanley Kubrick. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il revient. D'outre-tombe. si seulement, franchement. Donc, c'est le réalisateur. Ça serait le meilleur coup de com' du siècle, je pense. Mais en fait, il est pas mort et tout. Stanley Kubrick en hologramme qui réalise le film. Et il revient, tu sais, puis il désingue tout. Il désingue tout Nolan. Il dit attends, oh, t'as fait Interstellar. Moi, attends, je vais faire un 2023, l'Odyssée de l'espace. Tu vas rien comprendre. Ton Interstellar, ça va être une série B à côté. Non, ça se trouve, il est pas mort. On sait pas. Hein. Non, mais on va pas se lancer dans les théories du complot parce que sinon. On l'a pas vu. J'ai pas vu son cercueil. Tant que j'ai pas vu son cadavre. On l'exhume et on. Bah non, on sait pas. On sait jamais. Oh putain, non. Bref. Passons outre les théories du complot. Moi, je voulais dire que le réalisateur de cette suite de Shining, donc, qui s'appelle Dr. Sleep, va être réalisé par Mike Flanagan, qui s'était occupé de Ouija, les origines. Ah ouais, ça change. Ouais. Donc, et aussi de Gerald's Game, donc le Jesse, justement le film de Netflix, aussi une adaptation de Stephen King. Donc Dr. Sleep, c'est... Et il a fait plein de trucs pour Netflix, hein, je crois, Ne t'endors pas, plein oui, de... Voilà. Ah, c'était bien ça. Ah non, ce non. Non, pas un bruit, pas un bruit. Pas un bruit. Ah, c'est pas un bruit, oui, ouais. Pas un bruit, voilà, j'aime beaucoup. La plupart des films, en fait, Netflix, c'est lui qui les fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est sécurité. Oui, pas un bruit. Pas un bruit, c'était bien, quand même. Oui, c'était pas mal. Ouais. Donc, il va s'attaquer à cette suite. Donc, c'est ce Shining 2 qui avait été écrit par Stephen King lui-même en 2013, se centre sur le personnage de Danny Torrance, devenu adulte, encore traumatisé. Il souffre de problèmes d'alcoolisme et de gestion de la colère comme son père. Ses pouvoirs paranormaux refont surface lorsqu'il doit sauver une fillette. Voilà. Moi personnellement, je n'ai pas lu la suite de Shining. J'ai lu bien sûr Shining. J'adore le Shining de Stanley Kubrick. Je ne supporte pas l'adaptation faite en téléfilm. La mini-série avec Rebecca de Mornay et Steven Weber, que je trouve... C'était nul. Je trouve vraiment nul et qui est plus fidèle au roman, mais qui... Ah oui, mais... Qui, voilà, insupportable à regarder. Ça n'a aucune identité, en fait. Ouais, et en plus, c'est long à mourir, quoi. C'est vraiment se taper ça, quoi. C'est vraiment, enfin, ne vous infligez pas cette douleur, quoi. Donc... voilà. Est-ce que vous avez vu les... Enfin, je sais que vous avez vu Hush ou les autres films de Mike Flanagan. Par exemple, Eddie, toi, tu avais aimé Gerald's Game. Oui, j'avais plutôt bien aimé quand même. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de retourner dans l'univers de Shining sous l'angle de Mike Flanagan? C'est, disons que c'est plus commun, quoi. Et en fait, ce qui fait toute la force de Shining, c'est parce que c'était réalisé par Kubrick aussi. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pas... Non, c'est pas le projet qui m'intrigue le plus, forcément. Mais bon, après, pourquoi pas. C'est vrai que ça reste quand même une suite à Shining, ne serait-ce que pour avoir la suite de cette histoire, quoi. Ouais. Alors moi, je sais pas, je comprends pas, j'ai pas lu le roman, donc je peux pas me permettre de juger si l'histoire est bonne ou pas, mais je vois, enfin, à part pour l'argent, je vois pas pourquoi King a fait cette histoire, quoi. Je trouve que Shining se suffit largement à lui-même et qu'il a pas besoin d'une suite, et que la fin est juste très bien comme elle est. Bref, enfin, voilà. Après, ça se trouve, c'est génial et je me trompe complètement et j'ai pas vu Hush, donc ou Ne dis rien, je sais plus en français. Hush. Pas un bruit. Pas un bruit, voilà. Ne dis rien, pas un bruit, ferme ta gueule. Mais voilà, non, franchement, ça m'intéresse vraiment pas. Mais il est très bien, enfin, il est très bien, c'est pas non plus. Non, mais c'est très, peut-être un peu surmonté, mais c'était très efficace. Non. Très original en plus. Mm. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées. Après, Jessie, je suis pas allé au bout parce que j'étais distrait. Mais j'ai pas l'impression, enfin, on m'a dit la fin, j'ai pas l'impression d'avoir loupé. Enfin, j'ai dit ok, d'accord. Mais. C'était quand même assez efficace. La première partie, c'était quand même assez efficace. Donc, il y a une bonne ambiance. Il arrive quand même à soigner ses ambiances. Donc, oui, oui. Vu que Docteur Sleep va, je pense, jouer sur son ambiance, bah, s'il arrive à soigner un peu le truc, ça peut avoir une valeur ajoutée. Maintenant, par rapport soigner à... Docteur. Comment? Non, rien. Non, mais voilà, ça dépend. Soigner voilà. Docteur, mais c'est pas grave. Non, mais après, voilà, par rapport au Shining de Kubrick, c'est vrai que Doctor Strange aurait peut-être pas de. Doctor de, Sleep. De... Hein? Doctor Sleep. T'as dit Doctor Strange. Ah, non, pas pareil ça. Pareil. Non, Doctor Sleep. Voilà. Aurait peut-être pas. Enfin, d'un point de vue scénario, parce que j'ai cru entendre dire que le bouquin était pas terrible non plus, donc bon. Mm. Ouais. Voilà. Oui, donc voilà quoi. C'est... Par contre, ce serait bien qu'il fasse revenir l'acteur qui jouait Danny dans le film de Kubrick. Ouais. Ce serait bien ça. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais. Danny. C'est pas gagné. Hein. Non, non. C'est Danny. Oui, non, l'acteur, moi je parle. Danny. Ouais, c'est s'appelle son Danny. Nom et nom de famille. Bah, toute sa vie, hein, ça a dû le poursuivre, t'imagines. À la cour de l'école, t'avais des gens, tu sais, pendant la neige. Danny! Red Rum avec son petit doigt. Ça se trouve, il fait toujours ça, il a un toc. Ah, ce serait malheureux. Donc voilà, Dr. Sleep, on en attend. Enfin, on vous en parlera quand on aura plus d'informations là-dessus. On passe à la suite avec un teaser qui était attendu par beaucoup. je viens de voir la news et du coup je vais pas me permettre. Mais de pourquoi le monde non. Mais ça c'est la faute à Macron. Non mais je vais pas me permettre de moquer parce que ouais, on ne sait jamais. Voilà, on a vu qu'un teaser. Donc non, il y a une bande annonce même. Hein. Ah oui. Oui, il y a une bande annonce qui est sortie, qui avait été dit. Une vraie bande annonce, oui, que je subis à chaque fois que je vais au cinéma. D'accord, bon bah je ne l'ai pas vu, bref, voilà, on va parler oui, de toute façon des images qu'on a vues de Taxi 5, voilà, j'avais pas dit le titre, donc nouveau film de Franck Gastambide qui prend la relève de Luc Besson. Déjà rien non, que ça. Non, c'est, Luc, c'est Gérard Pires le premier Taxi je crois, le Besson n'a fait que produire, ouais. Ah oui, il a fait que produire, pardon, ouais. Donc il est toujours produit par Besson d'ailleurs ce film 11 ans après Taxi 4 qui pour moi était une des pires infamies jamais produites et je pense Taxi 2, 3 et 4 étaient réalisés par Gérard Krauzik qui avait réalisé Wasabi et Fanfan la Tulipe l'auberge rouge tout ce voilà toutes ces choses là des films qualitatifs. Bien, bien sûr, absolument. Ouais, c'est ça. C'est important. Non, par contre, il a fait un film super, enfin que j'avais beaucoup aimé avec Jacques Villeray, qui s'appelle L'État en pente douce, qui était très bien. Et alors, d'ailleurs, Jacques Villeray dans ce film s'appelle Momo, et je peux vous dire que comme j'étais fan de Jacques Villeray petit, je raconte ma vie, et ben on m'a beaucoup appelé Momo à cause de ça. Voilà. C'est vachement intéressant, hein. Ouais, hein, t'as vu, c'est pédagogique, c'est ludique. Comment on a déraillé là-dessus, mais bref. Donc, pour moi, Taxi 4, ça signait vraiment l'arrêt de mort de la franchise Taxi. Ça avait, enfin, vraiment, avec une parodie de Scarface qui faisait nous arracher les yeux. Ouais, il était pas bref, possible, le 4. Donc, un teaser avec Franck Gastambide qui prend le rôle principal. Donc, le Vin Diesel français. Le synopsis, c'est qu'il incarne ici Sylvain Marot, un super flic parisien et pilote d'exception. Silence Marot. Qui se retrouve, j'ai envie de lui dire ça. Qui se retrouve Silence muté Marot. Contre son gré à la police municipale de Marseille. Donc l'ex-commissaire Gilbert, toujours interprété par Bernard Farcy, qui est devenu maire de la ville. Est au plus bas dans les sondages et va alors lui confier la mission de stopper le redoutable gang des Italiens qui écume des bijouteries à l'aide des puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Maro n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddie Maclouf, interprété par Malik Bentala. Je connaissais Eddie Maclouf, ouais, mais bon. Oui, c'est pas... la République Dominicaine. La congolexisation du Congo. Je sais plus, mais ça me fait trop rire à chaque fois. Congoleximatisation des lois du marché. C'est le savoir. Voilà. J'adore. Donc, Eddie, c'est pas Eddie Maclouf, c'est Eddie Maclouf. Et ce n'est pas moi non plus, je tiens à le préciser. Oui. Je ne suis pas rattaché à ça. Qui est le pire chauffeur de Marseille, apparemment, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire taxi blanc. Alors, je pense que c'est ce synopsis... Quand même. C'est... Ouais, c'est recherché, hein. Ce synopsis vous a ébouriffé, vraiment, vous n'en croyez pas aux oreilles. Je crois que c'est le, pourtant, le verbe est approprié. Assez... Donc voilà, niveau casting, donc comme je l'ai dit, Franck Gastambide et Malik Bentala dans les rôles principaux. On retrouvera aussi Ramzy, Sabrina Ouazani, Anour Toubali et aussi le rappeur Soprano. Ça me plaît pas du tout tout ça, n'est-ce pas? Monsieur Poulpe, Moussa Mascri, ou encore Eric Fraticelli, qui avait joué dans Mafiosa. Le grand méchant est incarné par Salvatore Esposito, la star emblématique de la série Gomorra. Oh là là. Tiens, ici, le non, mais est-ce que vous la sentez, la caricature? Déjà. La caricature de l'italien mafieux, déjà. Déjà, quand t'as un gang qui s'appelle le gang des Italiens, c'est vraiment pas très recherché, tu vois. Mmh. Ouais. Vraiment. Voilà. Bref, voilà. Donc, le film sort le 11 avril prochain et sera projeté dès le 7 avril en région PACA. Voilà. Donc, pour revenir à nos... à ce qu'on disait, Taxi 5, donc on a eu des images, ça a l'air d'être bourré d'action. Pour être, on va être objectif, on va pas mettre notre, enfin je vais pas mettre mon avis dessus pour l'instant. Je veux dire que ça a l'air d'être plutôt bien réalisé, enfin je veux dire les courses, enfin les scènes d'action ont l'air assez bien faites, du même standing que le reste de la saga. Voilà, mais à part, enfin moi personnellement c'est vraiment pas le genre de film qui m'intéresse et ça a l'air d'être clairement toujours, pas, ouais. Bon, après moi il y a qu'un truc qui me faisait plaisir, c'est qu'il y a toujours, ouais, le commissaire Gilbert. Voilà, oui, voilà, qui c'est la plus value. Et c'est vrai que dans Taxi, Taxi ça vaut ce que ça vaut, mais Gilbert, voilà quoi, moi il me fait vraiment trop rire. Et je peux me taper des vidéos de Gilbert tout, sur YouTube, ça me fait ça. Mais il est trop drôle. C'est pour ça que je vais aller voir le 5. Parce qu'il est tellement énorme. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais faire un petit mea culpa, mais j'aime beaucoup le 1. Je trouve que le 1 est un film hyper efficace. Le premier Taxi, j'ai pas vraiment de problème avec. C'est caricatural, mais ça se laissait regarder. Ouais, mais quoi. Ça, voilà. Et puis, franchement, ça marche. Et j'ai une passion, je ne sais pas pourquoi, pour le 3. Oh. Uh-huh. J'aime beaucoup le 3. Non. Avec les Pères Noël et Stallone. Sylvester Stallone. Ouais. Oui. Bon, c'est drôle. Quelle horreur. Non, franchement, c'est drôle. Gilbert dans le 3, il est très drôle. Mm. Voilà. Ouais. Les voitures qui fuient. Snow White. Voilà. Merci, mon petit Q. Ouais, donc voilà. Ça veut dire Blanche-Neige, j'en pensais. Hein. Non, c'est quand même drôle. Le mec, il a mal aux pieds. En fait, il a pas enlevé les papiers de ses chaussures. C'est marrant, c'est quand vrai. Même. Ça se passe toujours comme ça dans la police. Bah non, pensez-vous, non, la plupart du temps, ils nous donnent des voitures qui fuient. Mais oui, c'est drôle. Ouais, c'est super marrant. Ouais, bon, bref, on va pas se refaire toutes les répliques de JVR. Non, parce que. Oui, voilà. Parce que bon, ouais, ça va être une émission à thème, là. Voilà. Donc, Franck Gastambide, qui met un peu de son univers aussi dans le. Enfin, ça a l'air. L'humour a l'air d'être comparable à ce qu'il a déjà fait, donc les Kaira et Pattaya. Ouais. Voilà. Moi, ça va être Laura et Manufion, hein, de toute façon, c'est clair. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis sexiste, raciste, homophobe, enfin tout ce que tu veux, quoi. C'est son humour, donc. Ouais, c'est vraiment le. Enfin, moi, c'est ça qui me gêne devant ces films. Alors, autant, vous voyez, bon, il y a plein de blagues un peu douteuses que Axel a coupées au montage, parce que voilà, moi, j'adore l'humour noir, dont une que je vais pas refaire, qu'il a coupée, hein. Elle y a était 10 pour minutes. nous, et on Elle était pour nous, elle était pour. Voilà, non, mais voilà. Mais moi-même, je sens quand ça va trop loin et tout. J'ai aucun problème avec l'humour noir. C'est pas ce que je dis. Je défends la liberté de l'humour en France. Maintenant, il y a toujours un truc qui me dérange. C'est vraiment ces films qui se moquent. Moi, je trouve que la meilleure façon de rire d'une communauté, de rire de n'importe quoi, c'est de pas s'en moquer. On peut rire avec bienveillance, ce que font certains humoristes. Voilà, bon, on va citer, par exemple, Coluche, quand il se moque de n'importe qui, il y a toujours une part de bienveillance. Que là, c'est de la méchanceté pour la méchanceté. Quand je suis allé voir Pattaya, les scènes où on voyait une personne obèse, là, il y avait une histoire de. Mais c'est horrible, et les gens riaient. On envoyait des obèses sur une île, ils devaient chasser des Mars. Vous savez, les barres chocolatées, et ça rigolait à base de. Et on défie énorme et tout, et c'est horrible de faire ça parce que ça vise des jeunes, et du coup, ça les éduque pas plus, on va dire. Donc, moi, j'ai vraiment un problème avec ça, et tout simplement parce que son cinéma, il est complètement con, et puis c'est toujours les mêmes acteurs. Vous voyez, on a beau dire oui, la bande à Fifi, Babysitting, eux, par exemple, eux, c'est un exemple de gens qui ont un humour absurde, mais ça va pas plus loin. Il y a rien d'homophobe, il y a rien de dangereux. Alors que Gaston Bide, voilà, puis en plus, c'est pas super bien réalisé, donc à la limite, un taxi par la bande à Fifi, j'aurais pas dit non, même si ça commence à se répéter aussi, on les voit un peu trop, mais là, Gaston Bide, c'était le pire choix à faire, quoi. Bon, en même temps, ça nous évite parce que il me semble qu'il y avait un Astérix qui devait se faire aussi au cinéma, Putain, et Gaston Bide était un petit peu. Alors, Gaston Bide sur Astérix, mon Dieu, Ah non, surtout mon pas. Dieu. Putain, la Falbala, il va en faire, je sais, ça va être un monument de Non, parce gênance. que même Au les moins, non, on est mais épargné. c'est vrai que même si les films sont pas parfaits hormis celui de Chabat, enfin moi c'est un Astérix Obélix, c'est des personnages que j'aime trop pour qu'on les rabaisse à ça quoi. Oui, c'est clair que là, ça serait un peu compliqué. Et puis la bande-annonce montre clairement, enfin moi qui ai vu la bande-annonce au cinéma qu'il a subi, on voit clairement que c'est tout ce. Enfin, personnellement, c'est tout ce que je n'aime pas dans son cinéma. On voit une personne obèse attention, je dis pas que je n'aime pas les personnes obèses, attention. Oula, sûrement pas. Mais se moquer, on la voit se prendre une porte et rouler par terre. Mais pourquoi se moquer? Pourquoi? Et puis même, c'est. Et tout simplement, il y a aussi un truc qui me dérange, c'est que Samy Nasseri, d'ailleurs, il les a mauvaises, hein, il s'est exprimé sur le sujet, on ne l'a pas contacté une seule fois, parce que dans l'histoire, le personnage de Balik Bentala, c'est son neveu. On le mentionne donc. Et Samy Nasseri désapprouve totalement. Donc je trouve ça un peu dommage quand même de ne pas rendre hommage à Samy Nasseri, parce que même si c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça reste quand même le rôle de sa vie. D'ailleurs, c'est un sacré acteur. Non, le rôle de sa vie, quoi. Non, mais c'est son rôle. On l'identifie Ah, par mais c'est rapport à ça. Mais triste, dans Indigène, il était très bon. Dans Nid Guêpe, il était excellent aussi. C'est un acteur qui aurait pu être génial. Mais malheureusement, bon, bah, il est un peu déconné, on le sait tous. Mais voilà, Taxi ne serait pas Taxi Et sans lui. Enfin, Frédéric Diefenthal, il est où, hein? Bah, même lui, il se le Il est demande, où je crois. Hein. le Yuki? Lui, il se le demande. Non, lui, il est avec Michel Bernier, il fait un truc là au théâtre. Mais il est très bon d'ailleurs. Mais non, mais bah, c'est pareil, voilà. Et Cotillard. Marion Cotillard, vous imaginez, dans Taxi 5. La fille a fait. Elle tourne avec tout le monde, elle tourne avec, avec Christopher Nolan, tout ça et tout. Puis Robert Zemeckis, et puis elle est là, hop là. Non, mais c'est dommage, quoi. Je sens pas le truc. Gaston Mille voulait faire un film, il n'aurait peut-être pas dû reprendre la franchise Taxi, parce que, bah, à part la présence de Bernard Farcy que j'adore, c'est juste la seule valeur ajoutée qu'il pourrait y avoir au projet, mais alors, quand je vois la bande-annonce, ça me fait fuir, quoi. Donc, non, moi, ça me. C'est clair. Et dis, toi, je pense que tu J'ai pas penses la vraiment même chose. grand-chose à... Oui, voilà. de plus Ouais. à en dire, non, On c'est. a déjà beaucoup, je crois, parlé sur ce... On a beaucoup trop accordé beaucoup parlé. d'importance à ce film, je Ouais, pense, là. voilà. Voilà, vous avez notre avis. De toute façon, Morgan ira le voir. C'est ça. Comme ça, Morgan se sacrifie pour l'équipe et il ira le voir et il nous dira ce qu'il en aura pensé. Pas sacrifice non plus, parce que voilà, je suis très ouvert, il n'y a pas de Oui, problème. non, bien Mais sûr, non, là, mais. franchement, Gaston Bide, Les Kairas, c'était honteux. Pattaya, c'était, je crois, le pire film de 2000. Je crois, oui, de 2016. Ouais, dans mon flop, ouais, c'était le pire. Là, non, à moins que. Mais en plus, il se recycle en fait. Il prend toujours les mêmes acteurs, il prend toujours. Voilà, il y a toujours des nains. Voilà, il y a toujours son nain qui ridiculise encore une fois. On lui donne pas de. Voilà, on lui donne pas de rôle. Non, c'est le nain de service. Il faut qu'on rigole de son nanisme. Et ça me saoule, ça me saoule. Ok, passons à la suite. On parlait de Cloverfield 3, enfin, chez God Particle, il s'appelle toujours? Non, non, il s'appelle Cloverfield Paradox. Paradox, voilà, donc qui est sorti sur Netflix, on en a déjà parlé. Et du coup, même avant de savoir que celui-ci allait sortir, même avant de savoir quand est-ce qu'il allait sortir, il a été annoncé que le quatrième volet était déjà prêt et venait de finir de se tourner. Il est intitulé Overlord, bien sûr le titre risque de changer. Oui, comme à chaque fois. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on est passé de God Particle à Paradox. Oui, d'accord. Bref. Voilà. Ce film, donc, réalisé par Julius Avery, qui a réalisé Son of a Gun, qui est un film que je ne connais pas. Moi non plus. Le fils de la. Oui, d'accord. Oui, ouais. c'est une genre d'insulte en américain, j'allais dire, en anglais. voilà. Écrit par Wyatt Russell, à qui l'on doit 22 Jump Street, et Jovan. Jovan Adepo. Ouais. Bref. Ou Rovan. Je ne connais pas cette personne. Jovan, c'est. Voilà. Jovan Adepo. Ouais. Ça se déroulera lors de la Seconde Guerre mondiale. À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes américains est lâché derrière les lignes ennemies pour une mission cruciale. Mais en approchant de leur cible, ils commencent à réaliser qu'il y a plus qu'une simple opération militaire à effectuer dans ce village occupé par les nazis. C'est là que devrait entrer en scène une bestiole. Voilà. Mais c'est Sharknado, enfin c'est... non mais en gros c'est les Godzilla versus les nazis, enfin ça va être n'importe quoi. Le film sortirait normalement, ils ont déjà une date de sortie le 26 octobre 2018. Non en fait ils l'ont sorti l'année dernière mais on l'a pas vu. Ouais, c'est... Là, c'est ça. C'était en bonus de Ten. Bonus caché. C'est ouais, Netflix tente vraiment de faire la promo la plus dingue qui soit. Voilà. On va vous promouvoir un film un an après sa sortie. Si ça c'est pas fort. Ouais, en fait, mais ce serait fort. Ils ont sorti un film totalement dans l'anonymat. Dans l'anonymat total, et d'un coup, ils nous sortent ça. Bon, ça pourrait être un coup de marketing. Bref. C'est qui ce marketing? Je sais pas. c'est un monsieur pas très bien. J'adore celle-là, elle est bien. Elle est politiquement correcte, vous voyez. Je suis joie et allégresse. Ouais. Enchanté, joie et allégresse. Moi, je m'appelle Morgane. Pardon. Oui, d'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse ou pas? Je fais mon mea culpa public. Parce que ça y est, j'ai enfin vu La Ligne Rouge. La troisième fois que je le vois. Je me suis dit, bon, il faut que je le voie. Mais je... Qu'est-ce qui m'est passé par la tête de ne pas avoir vu la profonde virtuosité, le... Oui, non, mais c'est vrai. Franchement, mais quelle redécouverte. Ah ouais, c'est dingue quand même de changer autant d'opinion sur. C'est bizarre. Non, mais j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions. Je sais pas, mais il s'est passé un truc pendant cette troisième séance. J'ai compris vraiment tout le sens symbolique, et puis ça va tellement plus loin, c'est pas un film de guerre, enfin aussi, mais ça évoque tellement plus de choses, évidemment, et c'est bouleversant, c'est un peu long, pour ça que je suis pas allé à 5, il y a quand même des moments, voilà, ça mais l'hymne à la vie, quoi, c'est en plus ce paradoxe, justement, bah tiens, on est dans le thème, entre les corps qui meurent, les têtes qui tombent et tout, puis cette appel à la vie, ce désir de la vie plus que jamais. Enfin, Malik crie à la vie alors que il filme ça dans un endroit où la mort hante chaque brindille. C'est juste magnifique. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est vrai que c'est l'enfer au paradis, quoi. C'est l'enfer au paradis, voilà. Et là on est là, c'est ça que j'aime chez Malik. Donc c'est pour ça que je pense que je vais regarder ses autres films avant et ne pas retenter ses autres, parce que oui, j'ai décidé de revoir tous les Malik, vraiment, même les derniers. Mais de commencer, je pense déjà par. Je crois que je t'envoie en lien le blow-up de Arte sur Malik. Why not? Oui, parce que ça peut permettre d'avoir une base. C'est vrai que quand on se renseigne un peu sur la démarche d'un réalisateur, on peut mieux parfois comment dire, apprécier les films. C'est une très bonne émission, je trouve, d'Arte d'ailleurs, ça. On peut en parler parce que c'est bien. Non mais c'est juste la promouvoir, quoi, parce que bon, c'est vrai qu'Arte, ouais, c'est souvent pris. Ouais, c'est la chaîne des bobos, des gens qui veulent. C'est vrai qui aiment que s'ennuyer, je recommande en beaucoup gros. De choses dans la Minute Nerd de Arte, donc. j'ai déjà recommandé deux séries Arte dans la Minute Nerd. Oui, je sais bien, mais bon. Mais c'est vrai que. Je trouve que c'est vraiment une très bonne émission. Oui, non. Tout est dispo sur YouTube en plus, donc c'est cool. Et ouais. Franchement, moi je vous le conseille. Il y a vraiment sur plein de réalisateurs différents, et même sur. Par exemple, les pleurs au cinéma, c'est un des sujets comme ça aussi qui sont intéressants. Et sur Malick, ils en ont vraiment fait un très bon. Ouais, c'est vrai. Enfin, il est vraiment très bon, quoi. C'est vrai que quelqu'un qui a peut-être des a priori sur Malick, ça peut aussi permettre de comprendre certains pans de son cinéma. Bon, après, moi, c'est pas que ça m'a appris grand-chose, mais c'est vrai que du coup, ça met en lumière en fait ce que j'ai du mal en fait à moi à expliquer parfois. Donc j'étais content de voir que j'étais pas le seul à penser comme ça. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est ça. Donc voilà, c'est tout. Parenthèse finie. Voilà. Genèse, mais je sais comment. On revient sur Paradox. Franchement, sur l'autre. Il faudrait que tu m'expliques un jour comment t'es passé de Cloverfield 4 à La Ligne Rouge, c'est parce clair. Que. Vraiment. Ouais, attends, c'était il y a deux minutes, je m'en souviens pas. C'est vraiment pas. Non, c'est parce qu'on parlait de guerre aussi, je crois. Ou... Oui, voilà, bref. Ah oui, de guerre, voilà, oui, tout à fait. C'est pour ça que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est bon. Voilà. Ouais. Oh non, ça parle du Vietnam, Malick, je raconte. Non, mais. La guerre du Pacifique. Ah, voilà, d'accord, oui. Ça parle de guerre, bref. Donc, voilà, ce film, Cloverfield 4. On va pas passer des heures dessus. Morgane, toi qui as vu le 3, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, bah non. Alors, du coup, non. Bah non, pas du tout. Hein. Plus ça va sortir. Non. Non, clairement, non. J'ai perdu foi. Très bien. Eddie. Et du coup, j'ai pas vu le 3 encore. Je le verrai. Mais il a plus la foi. Mais ça m'intrigue quand même. J'aimerais voir à quel point c'est raté, en fait. Mais peut-être que mais moi, juste, j'aimerais. Ça se trouve. Bah oui, c'est possible. Tout hein, est possible. Et ouais, j'ai un doute quand même. Seconde Guerre mondiale, tout ça. Bah du coup, je sais pas, enfin, j'ai pas d'avis en fait. Faut que je vois le 3 avant. Ouais, même si ça a l'air d'être complètement. Oui, par contre, ça a l'air un peu détaché. Ouais, voilà. Bref, moi j'ai pas d'avis, j'ai vu aucun Cloverfield. Voilà. Passons mais la suite. Mais tu devrais peut-être. Hein. Je sais, mais je comptais justement rattraper mon retard avant de voir le 3. Ils sont tous dispo en plus sur YouTube, sur Netflix. Sur Netflix, c'est possible. Donc ouais, Cloverfield et 10 Cloverfield Lane sont dispo aussi, il me semble. Ouais. Mais en plus, j'ai Cloverfield en DVD. Ah oui. Enfin, bref, voilà, ça fait un moment que je dois le voir et à chaque fois, je repousse le moment où je regarde. Bref, on va passer à la suite avec un trailer pour le nouveau film de Steven Soderbergh qui s'appelle Unsane. Preuve encore qu'il ne s'est pas arrêté. À chaque fois, il dit que c'est son dernier film, mais en fait, oui, non. Oui, non, mais il se fout du monde, lui. Hein. Non, mais après, si... Enfin, moi, je vais pas cacher, l'abondance, elle me hype totalement et je suis très impatient de le voir. Donc, la petite particularité aussi. Particularité. Un visage rubis. Particularité du film, c'est qu'il a été entièrement tourné à l'iPhone. Voilà. Non, mais, c'est quand même une prouesse technique. Alors, bien sûr, le son n'a pas été pris avec l'iPhone. Oui, voilà, c'est ça que j'allais te poser la question. Non, bien pour sûr. En même temps. Et il y a eu quand même du montage, des retouches sur les couleurs et tout ça. Voilà, c'est pas ce qui est sorti directement de l'iPhone, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, sachant que le film va sortir au cinéma. Ce qui n'a pas été le cas du projet que Michel Gondry avait fait, le court-métrage qu'il avait fait. Ah oui, c'est vrai. Tant mieux. Morgane, tais-toi. Non, mais j'aime pas du tout Michel Gondry, j'aime aucun de ses films, je suis désolé. Je sais que t'aimes pas, mais... Pourtant, je les ai vus, hein. J'ai vu un Green Hornet, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je l'ai vu, ça ne me... plaît pas, je n'aime pas son cinéma du tout. Vraiment, je suis un peu pareil. Mais oui. Ah, le pire, c'est l'écume des jours. Oh mon dieu. Bref, c'était pas pour parler de Michel Gondry. On enchaîne avec ça qu'il avait fait. Bref, il avait aussi fait un projet pour, à l'iPhone, mais qui était sorti sur Internet seulement. Et là, c'est un film qui va sortir au cinéma. Donc, c'est un long métrage à la fin du mois de mars aux États-Unis. Il met en vedette l'actrice Claire Foy, qui tu avais signalé, Eddie, que, tu parlais de The Crown. Oui, oui. Elle joue dans The Crown. Je sais pas quel rôle elle a spécifiquement. Elle joue Elisabeth. Ok. Voilà, donc elle a entre guillemets le premier rôle, quoi. C'est... Ouais, voilà, voilà. la reine. Voilà. Donc, dans le rôle d'une jeune femme enfermée dans une institution psychiatrique par erreur et qui se retrouve confrontée à l'une de ses plus grandes peurs. Alors, ça, c'est le pitch de The Crown, ça? Non. Non, je déconne. En fait, c'est une série qui raconte une femme qui psychote, elle se rend pour la reine d'Angleterre, Morgan. C'est ça, The Crown, en fait. Ça pourrait être cool. Franchement. Voilà, le synopsis vend pas du rêve, franchement, mais la bande-annonce vend du rêve. Enfin, personnellement, moi, je l'ai trouvé. Ça a l'air d'être un mélange bizarre entre 12 Monkeys, enfin l'armée des 12 singes. Oui, un peu. Oui, ouais. C'est vrai, pardon, je baille un peu, t'es saoulé. Il n'y a pas de souci. Il y a un petit côté armée des 12 singes et en même temps, il y a une histoire de harceleurs via Internet et tout ça. Enfin, ça a l'air d'être assez d'actualité aussi parce que c'est un sujet qu'on voit pas vraiment développé au cinéma. Mm-hmm. Et là, franchement. Ça a l'air vraiment cool. Et en plus, moi, c'est le genre de film... Les films d'horreur traditionnels, ça me fait pas vraiment peur. Mais et les ça, films sur la folie sont intéressants, en général. C'est pas un sujet facile, en plus. Ouais, et en plus, ça, c'est vraiment une des craintes irrationnelles de ma vie, c'est de me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique par erreur. Ah bon ? Non, bah, pourquoi par erreur ? Non, mais... Il coupe. Voilà, quoi, vraiment... que personne te croit, que t'es... bref, ça a l'air d'être assez... Enfin, moi, ça me plaît. Oui, bah, rien que pour la peur irrationnelle que tu viens de décrire, tu mérites d'y aller. Hein. J'appelle tout de suite. Bref, voilà, je vais retrouver ce que je voulais dire. Ça me fait penser un peu aussi au film de Brian De Palma. Sœur de sang, voilà, en français. Mm. Avec cette scène dans l'hôpital psychiatrique, voilà, c'est justement la scène dont je voulais parler, là où elle se fait enfermer sans raison à part, enfin, sans qu'elle soit vraiment folle, et que personne ne la croit, qu'elle essaie de contacter les autorités, et qu'on dit, bon, bah, elle est juste folle, donc ça sert à rien de la faire sortir de là, elle n'est pas enfermée. Voilà, c'est une petite partie du film Sisters, ou Sœur de sang de Brian De Palma, mais qui m'avait traumatisé, et que j'avais trouvé j'ai génial. J'ai pas vu celui-là. Ouais, qui est vraiment, enfin, à voir, c'est un de ses premiers films, et c'est magistral. Voilà, donc, pour moi, je suis à fond dans cette idée-là, Unsane, je veux absolument voir ce film, voilà. Bref, passons à l'avis d'Eddie. T'en as pensé ? Tu as vu la bande-annonce du coup ? Oui. Est-ce que ça te tente ? Normalement, j'aurais dû être un peu révulsé en fait par ce genre de concept. Moi, je suis pas fan des genre de. Je trouve que ça fait dispositif en fait, les films faits à l'iPhone, les choses comme ça. Enfin, bon. Ah oui, non, c'est clair que ça fait un peu produit marketing, mais pourtant c'est pas un film produit par Apple ni rien. Non, c'est donc ça. Et du coup, ça peut me tenter quand même parce que je sais pas. Mais la bande annonce m'a intrigué, donc je pense que ça peut me tenter et je suis curieux en fait de voir ce que Soderbergh peut en faire, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui il a une carrière intéressante parce que bon, autant les Oceans, c'est des c'est des films somme toute assez classiques. Mmh. Le deuxième est très mauvais, hein, je suis désolé, moi j'ai pas du tout aimé. Ouais, tu n'as pas à t'excuser tellement, parce que tellement mauvais. D'accord là-dessus. Vincent Cassel et son neuf. Bon, ça va. Oui, ça va, c'est bien, c'est sympa. Par exemple, tout ce qui est Erin Brockovich, pareil, c'est encore complètement différent. Mmh. Contagion, effet secondaire, enfin, il y a vraiment plein de. Ouais, enfin, c'est vraiment très varié. Ouais, et c'est ça qui est intéressant chez lui, donc je suis curieux finalement de ce qu'il peut faire avec ça. Ouais, mais il peut aussi tomber dans le piège, hein, donc... Et puis je trouve que visuellement, enfin, il y a déjà un univers visuel dans la bande-annonce. Ah oui, c'est hyper anxiogène. Clairement, c'est anxiogène. Et je trouve que justement, le fait d'avoir filmé ça à l'iPhone, de faire souvent des plans où la caméra ne bouge pas, où on voit l'acteur de très près, mm-hmm. ça donne vraiment une ambiance très spécifique au film. Alors je parle déjà du film alors que j'ai vu que la bande-annonce, mais en tout cas de la bande-annonce, de ce qu'on peut voir de la bande-annonce, ça a l'air vraiment très anxiogène. Parce qu'en parallèle, il a fait une série aussi, Mosaïque. Oui, une série HBO, pardon, qui est une série interactive. Alors je sais pas vraiment je connais pas vraiment le concept. Et il a fait Logan Lucky aussi, je crois, en 2017, mais... non? Ouais, aussi. Ouais. Même Magic Mike, c'est complètement différent aussi. Enfin, vraiment. C'est un mec qui touche un peu à tout, quoi. Ouais, vraiment. Ma vie avec Liberace, qui était pas bien du tout, je trouve. Mm. Avec Matt Damon, il me semble, ouais. Et Michael Douglas, qui Michael ressemble Douglas, beaucoup à Dave, d'ailleurs, dans le film. Je parle de physique, attention. Il avait produit l'excellent film aussi, We Need to Talk About Kevin. Ah, ouais. Non, ouais, c'est non, aussi. C'est, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment très actif, quoi. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça m'intrigue, en fait. Ce que je me dis, s'il fait ça, c'est qu'il a une idée quand même. Ouais. Ouais. Morgane, toi, tu as vu la bande-annonce ou pas? Non, j'ai pas vu. Okay. Mais le concept, pourquoi pas. Mais après, oui, j'ai peur que ça fasse un peu gadget. C'est vrai, argument de marketing, histoire de dire, oh là là, on révolutionne un peu le truc, on filme à l'iPhone. Après, c'est vrai que Soderbergh a quand même cet éclectisme qui est indéniable. Donc, c'est vrai que ça force quand même la curiosité. Sans avoir vu tous ses films et sans les avoir tous aimés. Parce que, comme j'ai dit, ma vie avec Liberace, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai beaucoup aimé... Effet secondaire et le premier Ocean's Eleven. Enfin, Ocean's Eleven. Contagion, j'aime bien. Moi, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Contagion, j'avais pas aimé Contagion. Mais bon, pourquoi pas. Pour l'originalité de la démarche, bah écoute, sachant que c'est Soderbergh, donc oui, je suis plutôt curieux. Et je, Claire Foy, d'ailleurs, est très bonne actrice aussi. Donc, Clairement, là, ça se voit dans le moment. Ça se ressent. Ouais, non, franchement, moi, c'est une de mes plus grosses attentes, là, d'avoir vu cette bande-annonce. Ça m'a foutu une petite claque. Donc voilà, passons à la suite avec. En sachant, voilà. Oui, d'ailleurs, que Claire Foy change, en fait. Ouais. Elle ne jouera plus dans The Crown. Le casting change. Oui. C'est donc, la particularité de la série, c'est que. Pour que ça reste cohérent, en fait, ils changent le casting selon les... Là, ils ont fait deux saisons avec les mêmes acteurs. Et, oui, pour qu'elle soit plus vieille. Oui, parce que là, ils font un saut dans le temps. Ils passent des années 60, je crois, à 80. Donc, alors ça, c'est génial, parce qu'ils ne tombent pas dans le côté où on va maquiller les acteurs les faire vieillir. Ils ont vraiment envie de retracer son règne aussi, mais les périodes où il y a peut-être moins de choses à raconter, ils s'attardent pas dessus non plus. Ils vont à l'essentiel, et c'est ce qui est bien. Et donc, le nouveau casting, je crois qu'il y en a une que tu connais en plus, Morgane, c'est une actrice anglaise qui a dû jouer dans Broadchurch, je crois. Ah oui, je l'adore, Olivia Colman. Voilà, c'est ça. Ah, je l'adore. Et Paul Bettany jouera son mari, en fait, qui était joué par Matt Smith, en fait, jusqu'ici. Donc voilà. Matt Smith, ok. Ouais, qui jouait et qui est physiquement, en plus, assez proche du prince consort. C'est assez drôle. Et Helena Bonham Carter qui rejoint le casting. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant. Non, mais c'est un casting, c'est. Ouais, c'est 5 étoiles, de toute façon, ça revient cher à Netflix, mais. Tout est conjugué pour que ça revienne cher. C'est une série d'époque avec des. Donc c'est pour ça, moi, oui, Claire Foy, ça me réjouit assez de la voir en fait dans un film aussi. Dans un et film. Et voir si en elle pourra rôle. Se détacher en fait de ce rôle, parce que c'est pas évident quand même. Jouer Elisabeth, c'est quand même un personnage que tout le monde connaît, la reine d'Angleterre. Et elle le joue magnifiquement. Donc c'est vrai que je suis assez curieux. Puis en plus, ça va être complètement aux antipodes de ce qu'elle fait dans la série. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la après, reine. Après, peut-être qu'il y fera une référence, d'ailleurs. Peut-être. Il en serait capable. Mais c'est vrai, pourquoi pas. C'est possible. Mais enfin voilà, oui, c'est assez réjouissant finalement ce film. J'en avais pas trop entendu parler. Et c'est vrai que j'ai découvert ça avec le programme de l'émission. Donc merci, Axel. Je t'en prie, je suis là pour dénicher les petites perles. Exactement. Hein, genre tag 6-5 par Franck Gaston. Ouais, voilà. Je suis là c'est pour ça que tu m'as recruté. Oui. Hey. Je suis là aussi pour parler des bandes annonces qui sont. Enfin, on est un peu obligé d'en parler. Ah oui. Même si ça ne nous réjouit pas tellement. Oh. Donc, Ant-Man oh, et la Guêpe. Ouais, moi ça me réjouit aussi. Bien. Ouais. Moi j'avais bien aimé Ant-Man, donc bon. Ouais, je sais, je sais. Du coup, voilà, Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man 2. Mm. Retour du super-héros avec Evangeline Lilly et puis Paul. Evangeline Lilly. Ah, j'ai compris Evangeline, qui s'est foutu là. Evangeline Lilly, pardon. Bah, un beau casting encore. Qui joue dans fois, Lost finalement. Oui, aussi. Et qui joue dans The Hobbit. Voilà. Dans Lost, surtout. C'est Kate The Austen. je vais pas trop insister sur The Hobbit parce que. Bon. Voilà. Non, mais il y a Michael Douglas, Michel Pfeiffer, ouais. Laurence Fishburne, ça va. Hein, Ouais. Michel Pfeiffer. Qui débarque de l'univers DC et qui arrive dans Marvel. Exact, c'est vrai. Ouais. Qui ça bah, Michel Pfeiffer, Catwoman. Et Laurence Fishburne aussi. Laurence Fishburne aussi. Oui, exact, hein Laurence Fishburne, oui. Pfeiffer dans DC bah... Ah d'accord, oui, d'accord. Oui. Ah ouais, oui, en plus, c'est un de mes films préférés, en plus. C'est à l'époque... Oui, oui bah oui, la bonne époque. Oh. Et Laurence Fishburne, la moins bonne époque. Oui, c'est lui, bah oui, il joue... Oui, il joue le directeur du Daily Planet. Ouais. Ouais, il ouais, vient aussi ça. De Matrix 2 et 3. Hein, quand même. C'est ça. Donc, film qui sortira le 18 juillet 2018. T'es loin Entre temps, on aura eu Avengers Infinity War qui sort le 25 avril. Ah, c'est vrai qu'il y en a trois cette année en fait. Mais moi je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Je pensais qu'Avengers c'était la fin. Non. Ah, la fin ouais, de. D'accord. Bah la fin de ça y est, fini Marvel, non, au revoir. Mais non, Morgan, mais t'es ouf fou, toi. Mais non, mais ça, s'arrête, déjà, mais ça s'arrêtera c'est... jamais. Déjà, il y a qu'un film. Eddie, il dit ça en plus dans le grand écart. Mais Morgan, mais non, mais ça va jamais s'arrêter. Mais oui, mais non mais c'est vrai, Morgan. C'est comme les feux de l'amour, quoi. Il y en aura toujours. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Ah, mais je savais pas, moi. Si, mais ça, je croyais qu'il y avait une fin. Jamais, Morgan, Marvel. Attends, ils vont... Non, mais Black Panther vient de... Non, mais sur Rotten Tomatoes, Black Panther vient de dépasser The Dark Knight. Ouais. Oula. Oui, non, mais ça attends, ne s'arrêtera attendez. Jamais. Ah oui, mais j'aime bien Black Panther, j'aime beaucoup The Dark Knight, même si pour moi, c'est pas non plus le plus grand film de tous les temps. Mais bon, c'est un peu... C'est... Ouais, quand même. Mais oui, Black Panther, apparemment, marche très bien. Ouais. Je l'ai pas vu. Non, mais la manière dont Eddie me l'a dit, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu Ghost, quand t'as Whoopi Goldberg qui dit à Demi Moore... T'as jamais vu Ghost? Si, j'adore. Bah si, je l'ai revu cette année, en plus. Quand, ah bah, quand elle lui dit mon Molly. Activité cinéphilique. Mais oui, mais des fois, j'ai du mal. Quand elle lui dit « Molly, vous êtes en danger, ma fille », tu me l'as dit. La même, ah même oui, façon. C'est oui, bah, voilà. Oui, c'est mon côté... Non, mais, je pensais vraiment qu'il y avait une date de fin. Non, mais voilà. Ah non. Ouais, tu vois, Morgane d'accord. découvre encore des choses après tant d'années de podcast. Ouais. Ignorance. Ouais. Ah, pour moi, Avengers, c'était la fin. Voilà. Bref, finesse, c'est vraiment le podcast. Mais combien de fois il va le dire bref c'est, ça fait au moins 20 fois qu'il dit bref. On extrapole beaucoup hein, quand même. Il y a beaucoup de. franchement, j'essaie. Mais j'adore moi. Attendez, c'est pas tous les jours. En plus, là, je bois un chocolat chaud, je suis bien. Bah oui, non, mais. Alors que moi, je suis crevé, j'ai qu'une envie d'aller me coucher, mais. J'ai juste envie d'aller dans mon lit. J'arrive pas à me concentrer, c'est une catastrophe. Donc. Ce que je voulais dire, le fil de ce que je voulais dire, Avengers Infinity War, c'est la première partie oui. Avant le deuxième qui devrait être la fin de la phase 3 et la phase qui annoncera la phase 4 où il y aura des nouvelles têtes apparemment, bah, dont Ant-Man voilà. sans doute et compagnie, hein. Les nouveaux héros quand même sortis récemment, ouais. avec Spider-Man ouais. et tout. Ouais. Black Panther, enfin c'est la relève tout ça quand même. On verra ce que ça. Ouais. Je ouais. Pense, ça peut le faire. Doctor Strange. Ça peut le faire. C'est ce que ça donnera. Ouais. Et oui, donc voilà. Bonne annonce qui, enfin personnellement, moi j'ai vraiment trop classique, j'ai envie de dire. Mm. Ça nous ébouriffe plus ce genre de bonne annonce. Trop, quoi. C'est ouais, c'est vraiment ouais, ok. Bon, cool. Bon après j'ai souri. Mais ouais, moi j'ai même pas rigolé alors que Paul Rudd, enfin moi je le trouve toujours assez drôle dans ce qu'il fait. Ant-Man le premier, j'ai eu pas mal de mal, même si c'est clairement pas le pire Marvel, clairement. Mais voilà, moi je suis pas très impatient de le voir. Mm-hmm. C'est pas C'est plus trop ce qui m'intéresse vraiment. Après, on peut avoir une bonne surprise, mais voilà, moi, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas tellement. Et dis, toi, je sais que tu as aimé le premier Oui, Ant-Man, bon après donc je l'attends pas non plus avec ouais. impatience, mais c'est vrai que je sais que je le verrai sans déplaisir, quoi. Ouais. Mais ça t'a, oui, ça t'a donné, enfin, tu l'abondance, t'as pas Non, c'est pas impressionné tant que ouf, ça, hein, mais voilà. Mais c'est pas, non, c'est non. clairement pas ouf, hein. Non, non, c'est pas ouf, mais Franchement, bon, voilà, quoi, ça m'a pas déplu non plus, quoi. ouais. Je me suis juste posé la question au moment où Bon, Adrien n'a pas du tout aimé, hein. oui, bon, bah, ça c'est normal. Où Ouais, voilà. il fait rétrécir le bâtiment et qui prend Ouais. la petite anse. Je me suis dit d'où Oui. elle sort cette anse. Elle était incrustée dans le bâtiment. Faut Ou croire. ouais, voilà. Bref, ça c'est la seule question et le seul truc qui m'a marqué dans la bande-annonce, c'est vous dire que c'était vraiment inintéressante, au plus haut point. Morgane, toi, je sais que t'es pas méga fan comme moi Non. du premier Ant-Man. Est-ce que le 2 t'intéresse? Non. Non, mais Ouais. j'irai. Ouais. La bande-annonce, tu as vu? Oui, j'ai vu, Ouais. oui. Mais la bande-annonce ne promet pas un truc Ouais, bon, ouais, ça. relativement honteux. Après, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir aimé. Enfin, pour que j'aie envie de voir une suite, il faut que j'aie aimé le premier. Là, comme le C'est un peu le premier m'a principe. vraiment paru. Comment? Oui, c'est le principe. Quoique. Surtout que c'est réalisé par le même, hein, Peyton Reed. Ouais. Il y Ouais, a une mais cohérence bon, bah quand on sait que. Oui, mais bon. qui On avait aurait pu réalisé avoir Yes deux films Man. d'Edgar Wright, quoi. Même si je suis pas en train de me toucher sur Edgar Wright, mais en tout cas, c'est Pas vrai que le premier Ant-Man envie de souffrait un peu savoir de ce que ça, je tu trouve. fais. Non, seulement Ty Sheridan. Et Oh! Quelle horreur! d'accord, et Logan Lerman, Ah, et puis quelle Dylan horreur! O'Brien, ok, voilà. Putain. Oh, Morgan. Non, voilà, je rebondis comme une petite fourmi. Non, j'ai pas envie de le voir, mais en même temps, la bande-annonce, ça a l'air même moins pire que le premier. Mais le premier, je pense que c'est un film qui a tellement Ouais, été. c'était un accident industriel, ce Oui, film. il y a tellement eu des trucs, ça se voyait, il y a des trucs qui allaient pas et tout. C'est un film un peu schizophrène. Donc là, peut-être que, comme c'est du Peyton Reed de première à dernière image à 100%, donc peut-être que ça peut être sympa. Marvel, en général, quand ils veulent juste me faire un petit truc distrayant, ils y arrivent bien, quoi. Ouais, mais moi Spider-Man Homecoming, je trouve c'était ça cool. dommage d'avoir un casting si bon et un héros qui pourrait être vraiment intéressant et de mettre derrière Peyton Reed qui est vraiment un faiseur à la place de Mais c'est ce quelqu'un qu'ils font comme James. maintenant, hein. Non, mais à la place de quelqu'un comme James Gunn par exemple qui pourrait Oui, mais être James en. Gunn, c'est une anomalie dans le C'est MCU, hein, pour clair. moi. C'est-à-dire que Oui, c'est c'est le clair, mais seul il nous gars faut qui a une plus démarche de. artistique. Le reste, c'est quand même. Même les frères Russo, même Ouais. si Captain America 2 a quand même des qualités de réalisation qui sont beaucoup plus évidentes, mais genre, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, quoi. Je sais qu'à Ouais. l'époque, on me l'avait quand même pas mal survendu. Attention, il a quand même ses défauts. À part James Gunn, qui ont une vraie identité, je trouve quand même. Les films Ouais, du mais MCU, c'est pas non plus très marqué à ce il nous niveau-là. faut plus de mecs comme ça derrière les films En de cela, même Marvel. si les films de DC Comics là, sont moins bons, ils ont quand même, enfin, à titre Ça dépend comparatif, il y a desquels. quand même, ça dépend desquels, voilà, Ouais. mais bon, tu montres Batman versus Superman, tu vois tout de suite que c'est Snyder. Tout de suite. Pour l'avoir revu récemment, oui. Tu vois Justice League, tu vois tout de suite que c'est Whedon. Eh bah, pour le. Oui, mais c'est vrai, oui. Pour Ouais. avoir revu Batman et Superman, c'est vrai que Justice Tu League. vois, c'est. Même Man of Steel, j'aime pas du tout Man of Steel, Ouais. Moi, je mais l'ai revu, c'est j'aime du vraiment Snyder beaucoup. à 100%. Ouais. Bon, après, je l'ai Ouais, pas ça, je revu l'ai vu. depuis Bah, je suis 2013. néophyte Hein. de Superman, et c'est vrai que du coup. Ouais. Non, mais après, c'est pas Henry une. Cavill, plutôt, petit coquin. Bah, c'est sûr que c'est un atout, mais bon, après, Ouais, je regarde pas forcément toujours c'est ça, pas quoi. ça qui va rendre le film. Non. Voilà. Je le préfère dans les Tudors. Hein. Ah oui, c'est Morgan, vrai, ne ça. fais pas la Oui, blague du meunier, s'il te plaît, je t'en supplie. j'allais la Oui, faire en tais-toi. plus. Mais je la ferai pas, je Bref, la ferai pas. on passe à la Oui, ça, suite. c'est très intéressant. Ouais, on passe à la suite. Donc, Xavier Dolan, on Ouh, je vais passe à pousser la un coup suite. de gueule. Oui, moi aussi. Ouh, Colin. Donc, non, Oh là là, mais pas oui. après ce que vous croyez. Pas après ce que vous croyez. Vous allez voir, je vais vous surprendre. Ok. The Death and Life of John F. Donovan, donc le prochain film de Xavier Dolan, qui est toujours en montage. Et d'ailleurs, son premier montage faisait plus de 4 heures. Bah oui, non, mais non, Donc, la trop long. grosse news qui a été annoncée, c'est que Jessica Chastain, qui était quand même censée être la star du film. Elle était sur plusieurs affiches qui avaient été dévoilées. Et ben, Xavier Dolan a expliqué qu'il allait couper totalement tout ce qu'elle a tourné avec lui. Donc, il explique que le personnage de Jessica Chastain a été, après mûre réflexion, coupé du film, que ce fut un choix extrêmement difficile, que c'était purement éditorial et que ça n'avait rien à voir avec la performance de l'actrice. Ouais. Que la trame de méchante, bien qu'il l'affectionnait particulièrement et qu'elle était très drôle, s'insérait laborieusement dans le reste de l'histoire qui finalement se révéla être davantage qu'une joute entre super-héros et ennemis, un récit sur l'enfance et ses rêves. Voilà. Et d'ajouter plus loin, je suis déçu que la nature profonde de ce film n'ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci. Il a été interpellé par un fan sur ce post Instagram, c'est là où il l'a annoncé, et lui demandant s'il sera tout de même possible de voir un jour les scènes de Jessica Chastain, soit dans une version Director's Cut, soit dans les formes de bonus de future édition Blu-ray DVD, et le cinéaste lui a répondu oui. Donc voilà, au moins les images ne sont pas totalement perdues. De son côté, l'actrice a sauté sur son compte Instagram pour rebondir sur le message de Xavier Dolan en disant: ne vous inquiétez pas, j'étais au courant avant l'annonce, tout cela a été fait avec le plus grand respect et l'amour, avant de s'adresser directement au cinéaste. Je suis impressionné par ta résolution à raconter une histoire, à être un artiste à chaque moment. Je t'aime et j'ai déjà hâte d'être à notre prochaine collaboration dans l'art et dans la vie. Voilà. Après voilà, c'est vrai que c'est bon, c'est forcément c'est une annonce qui fait pas plaisir, parce que bon, voir ouais. Chastain dans un film de Dolan, enfin moi j'étais super content quoi. Ouais. Et là, bon, après on sent bien que les deux sont pas en froid pour autant, donc ça rassure un peu. Mais c'est vrai que c'est con quoi, tu te dis, c'est dommage de se priver d'une actrice comme ça finalement, après autant d'implications quoi, surtout. Surtout, il aurait pu quand même prévoir. Un petit peu avant de faire ouais. tout ça, de tourner. C'est vrai que la promo était assez centrée sur elle en plus. C'était hein. la première image qu'on avait, première affiche, c'était elle. Hein. Ouais, ouais. Bon, donc, affiche un peu dégueulasse, ouais, mais c'était elle quand même, quoi. Ouais, c'était quand même elle. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Le film n'a pour l'instant pas de date de sortie puisqu'il est encore en montage. Bien sûr, c'est Xavier Dolan qui s'occupe du montage comme. De tout dans ces films. Donc Eddie, toi tu as dit que tu, ben, de toute façon on sait que tu aimes Jessica Chastain. Ah oui. Et le cinéma fort, Xavier fort, Dolan fort. Même si le dernier t'as assez déçu. Bah oui, nous a assez déçu. Au départ j'en ai voulu, j'ai dit putain Xavier tu fais chier. Non mais c'est surtout qu'en plus ben, bon, j'étais en train de faire le bilan, je me dis bon mon petit Xavier, j'ai déjà pas aimé ton précédent film, là tu coupes Jessica, à quoi tu joues? Et bon après on relativise aussi quoi. Ouais, je suis toujours intrigué. Après, il y a quand même bon, le reste du casting m'intéresse aussi. Moi, j'aime beaucoup Susan Sarandon, par exemple. Kathy Bates et Portman. Et ouais. Bon, c'est Kit Harington dans le rôle principal. Je suis pas forcément hyper convaincu, mais. C'est pas non plus un acteur. Bah non, enfin, quoi. Mais bon, moi, je le connais que dans Game of Thrones. Donc, c'est vrai que finalement. T'as vu Pompéi pourtant? Ouais, bah bon, attends, Pompéi. mais voilà quoi, je verrai ce film, mais c'est vrai que du coup ouais, tu te demanderas ouais, oui. ce que ça aurait ouais. pu être forcément ouais. en fait c'est ça qui est triste un peu. Ouais oui, mais c'est ouais c'est mais bon c'est après normal, mais... je lui fais confiance aussi, je me dis voilà, si ça pour qu'il l'enlève comme ça, c'est qu'il ça a été mûrement réfléchi, je pense que ça n'a pas dû être évident ouais. pour lui de la oui, non, c'est clair que. Montage, mais quand tu vois une annonce comme ça sur internet, tu te dis oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont engueulés. Enfin, il y a eu un. Ouais, ouais. Voilà, surtout que lui, c'est pas comme si. Il avait pas de caractère en plus. Ouais. Hein ouais. Il n'est pas du genre à se laisser ouais. marcher sur les pieds. Donc bon, tu c'est vrai qu'avec Dolan, tu t'attends un peu à tout, quoi. Ouais, c'est voilà. clair. Donc voilà. Morgane. Alors, moi, je vais remercier Eddie pour ce qu'il a dit. Et vous voyez, tout le monde, vous pouvez être réticent avec l'idée, mais Ayez la... Enfin, pensez comme Eddie. Parce que ça, c'est bien. La façon dont Eddie l'a dit, c'est parfait. Parce que j'ai vu, suite à l'annonce, des gens qui se sont soudainement pris pour des monteurs ou des réalisateurs qu'on limite blâmer Dylan. Voilà, non, mais qui ont dit oui, pourquoi tu l'as enlevé, machin. Si Dolan a estimé qu'il fallait l'enlever, c'est lui le réalisateur, il est maître de son film, exact. Il faut lui faire confiance. C'est Dolan, on n'a pas à dire ce qu'il doit faire ou pas. Oui, évidemment, c'est embêtant parce que Jessica Chastain, voilà, qui est peut-être l'actrice féministe par excellence du moment, l'avoir travaillé chez... Surtout dans un rôle comme ça, dans un rôle de méchante. Dans un rôle comme ça. Enfin, j'imagine qu'elle s'est donnée à fond, quoi. En plus, et puis travailler chez ce réalisateur-là qui est peut-être actuellement le réalisateur le plus amoureux des femmes qu'on est en ce moment avec Almodovar, bah voilà, ça vendait que du c'est rêve. Vrai, oui, mais Dolan a estimé qu'il fallait l'enlever. Pourquoi? Pour des raisons de durée. Il fallait faire un choix. Ça se sent que ça a été un crève-cœur à faire. Il s'est quand même pas excusé, mais il a manifesté tout son amour pour elle. Il l'a fait dans le plus grand des respects. Je vois pas où est le problème, si ce n'est des personnes qui profitent encore une fois de ça, qui ont, je pense, un problème personnel avec Xavier Dolan. Je n'aime pas le personnage, mais le réalisateur est éminemment respectable, et qui se sont dit, bah tiens, il a coupé Chastain, voilà, encore une fois, prétentieux, gna gna gna gna. Non, c'est juste un réalisateur qui avait besoin de faire un choix, et je pense qu'il n'était pas facile, et c'était très courageux de sa part de le faire de cette manière-là. Si tous les coupes au montage pouvaient se faire comme ça, bah, le cinéma ne s'en porterait pas plus mal. Donc faut arrêter de se prendre pour des réalisateurs ou des monteurs et tout, laissez les réalisateurs avec leur film, oui. Vous pensez ce que vous voulez, voilà. Non, mais c'est clair, c'est chacun son métier, voilà. Chacun son... Voilà, alors... c'est évidemment, c'est embêtant. Moi-même, je me suis dit, bon, il y avait quand même une plus-value, quoi, de chez Chastain. Avec, en plus, ça se voyait qu'ils s'adoraient tous les deux. Enfin, elle-même était fière, à rêver de travailler avec lui. Et nous-mêmes, on rêvait de ça. Et puis, quand l'annonce est tombée, on était là, waouh. Et donc, mais c'est vrai c'est qu'il embêtant. Il faut bien garder à l'esprit qu'un film, ça reste une proposition. Donc, c'est vrai qu'il va falloir le juger comme tel et pas. Voilà. Quelle légitimité on a aussi à critiquer. On donne un avis. Et tout comme la personne qui fait un film propose son idée, nous on propose un avis derrière, mais en aucun cas on doit enfin moi je sais que personnellement jamais dans une critique j'irai dire moi j'aurais fait comme ça. Ça ne sert à rien en plus. C'est tellement subjectif parce qu'effectivement un film ne peut ne pas nous convenir, mais je n'ai pas la prétention de dire un réalisateur surtout comme Dolan qui quand même voilà on aime on n'aime pas, c'est pas le souci, voilà, moi Dolan mais c'est même pas le sujet, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y en a qui ont quand même ces a priori sur lui, qui se servent de ça. C'est une bonne façon pour taper dessus, encore une fois, parce qu'il faut taper sur Dolan, c'est très bien de taper sur lui. Moi j'en ai un petit peu marre qu'on tape toujours qu'on tape sur les gens, même si Dolan justement, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas faire, donc effectivement je dis pas qu'il faut pas le critiquer, on peut critiquer tout le monde, mais il y a une différence entre critiquer et attaquer pour attaquer. Là on s'est servi, je pense, un petit peu de ça, parce que moi qui traîne beaucoup sur Twitter, j'ai lu des trucs, mais je réponds pas sur Twitter parce que le moindre tweet, ça dépend. Ça, ouais. Vas-y. Le moindre tweet, ça déclenche une polémique folle, donc du coup, je rétorque pas. Mais il y a quand même des trucs qui respirent la mauvaise foi. Donc je pense, chacun son domaine. Nous, on est spectateurs, certains critiques pour la plupart et tout. Voilà, on peut manifester notre tristesse, c'est dommage, on est peut-être passé à côté d'un rôle magnifique, d'une prestation grandiose, mais Dolan a jugé que c'était bon de le faire, que c'était utile, pas pour lui, pas pour elle, pour le film, pour que le film... Peut-être qu'avec elle, le film aurait été trop long, aurait été gnagnagna, donc il s'est dit, pour que le film soit pour que le film soit le plus présentable possible, je dois le faire, je dois l'enlever, mais je vais le faire en la respectant. Franchement... voilà, et ça s'est fait comme ça, c'est à contre-cœur, mais c'est comme ça, voilà. Ouais. Malik le fait bien des fois, donc voilà. Lui c'est le spécialiste. Il coupe sans prévenir en plus les acteurs, donc. Il prévient pas lui, hein. Lui c'était léger, même au générique. Non mais c'est clair, mais ça oui, moi j'aime voilà, mais Malik, tout le monde le fait. Mais en plus ça date pas d'hier, la Dolan l'a fait, enfin il l'a avoué publiquement et tout, ouais, voilà. Des acteurs qui ont toujours été coupés au montage et puis que ça en fait pas une affaire d'État, donc pourquoi sur Dolan ça devrait être un scandale, je pense pas. Depuis l'invention du cinéma ça se fait, donc. Et, voilà. Et quand bien même, voilà, surtout que ça s'est fait comme ça, si encore c'était voilà, un soupçon d'ego, puis voilà, Dolan aurait, il y aurait eu un clash, puis Dolan aurait dit bah, finalement t'es pas dans mon film, oui, j'aurais dit bon, là c'est un peu dommage parce que là c'est un peu du débat, enfin, il déballe son linge sale et tout. Là, non, il dit bien, mais il l'aime, et c'est pas comme si qu'il va, je suis quasiment sûr qu'elle va travailler avec lui encore. Bah, oui. Je pense, oui. Et puis... Bon, je sais. Tu vas voir après ce qu'elle va accepter, tu t'imagines, elle va dire oh tu me prends pour une conne, attends, oh tu m'as coupé, je vais pas me. Oh fuck off hein. Non mais voilà, mais je pense qu'ils vont se retrouver forcément. Bah oui. Voilà. Donc, y a pas Dorval dans son film d'ailleurs? Pardon? Non, c'est pas dans celui-là qu'il y aura Dorval. Non. C'est dans un autre alors. Non. Non, y a un autre film avec Dolan, voilà. Oui, c'est ça. Enfin deux Dolan avec lui. Ouais. Je voulais juste... Par contre, si Dolan dans son prochain film pouvait s'autocouper au montage, ce serait bien. Par contre, parce que je n'aime pas trop Dolan en tant qu'acteur. Voilà. Mais il aime jouer, ouais, je pense aussi. Oui. Non, mais il aime ça. Il ferait une lettre. Il se ferait une lettre. Désolé, je t'ai coupé, mais t'es quand même un mec génial. T'es un acteur très doué. T'sais, le mec, il se flatte. Non, mais voilà, tout ça pour dire que faut se rappeler. Enfin, c'est très bien. Enfin, tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord avec. Faut se rappeler que le film, il s'écrit à l'écriture du scénario, pendant la réalisation et au montage. Et même, je trouve que, enfin, le montage, c'est une des parties les plus importantes quant à la réalisation d'un film, puisque ça peut totalement détruire. Est-ce que c'est peut-être pas la plus importante? Sauver un film, c'est le plus important. Puisque, enfin voilà, sans le montage, on peut rien faire. On ne fait pas du cinéma sans montage. Ah non. Donc voilà. Clairement, si voilà, comme vous l'avez dit, s'il a décidé ainsi, c'est qu'il y avait vraiment une raison. En plus, il l'a fait très respectueusement. Vraiment, il y a peu de réalisateurs qui iraient. Enfin, qui ferait ce genre de choses. J'ai rarement vu un réalisateur actuel qui traite aussi bien ses acteurs. À l'heure où justement il y a des balance ton porc et tout, mais Dolan, il aime ses acteurs, mais c'est génial de voir un mec comme ça. Mmh. Il est jeune, il est beau. Oui, d'accord, en interview, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Mais franchement, tous les acteurs qu'on travaille avec lui, ils ont tous été unanimes en disant mais ce mec-là, il nous aime, il nous regarde avec un œil. Andorval, en parle très très bien d'ailleurs. Mais oui, et Andorval, elle a, je crois, 20 ans de plus que lui, ou peut-être un peu plus. Et voilà, c'est pas une question. Voilà, il aime ses acteurs, il aime le cinéma, donc voilà, c'est génial. Moi, je veux plein de Xavier Dolan au cinéma, hein, franchement, c'est des. Ouais. Voilà, et juste pour finir là-dessus, avant de passer à la suite qui concerne aussi Xavier Dolan, je voulais dire que, comme je l'ai dit avant, il y aura soit une version Director's Cut, soit ce sera dans les bonus Blu-ray et DVD, donc les bandes n'ont pas pris feu, c'est pas perdu, c'est ça, à jamais. Ouais. Mais je pense qu'il nous le fera un peu à la Lars von Trier finalement. Ouais, c'est possible. Donc, faut se calmer. Lars von Trier aussi aime ses actrices. Un peu trop. Voilà. On passe à la suite qui concerne aussi Xavier Dolan, mais qui, cette fois-ci, a annoncé son prochain projet. Puisqu'il a déjà bouclé le scénario de son prochain long métrage. Le mec n'est pas productif du tout. qui s'appellera Matt et Max. Le tournage sera prévu pour l'automne 2018. Et cette fois-ci, en langue française, il retourne dans son Québec natal. Bon, il aime son Québec aussi, hein. Oui, aussi, bah, c'est normal. Il dit que c'est pour mieux se recentrer sur des thématiques qui lui sont chères, qu'il a récemment été confronté à des récits si mûrs comme Boy Erased, Call Me By Your Name et Seule la Terre qui lui ont donné envie de parler d'homosexualité d'un point de vue plus adulte, moins post-adolescent, et de parler de sa génération ainsi que de ses amitiés. Ça lui a donné envie d'évoquer l'histoire, ces deux meilleurs amis qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui n'avaient jamais compris qu'ils pouvaient avoir une préférence pour les hommes. Il entend par là une amitié véritable et un amour véritable. C'est ce qu'il a dit au Hollywood Reporter dans une interview qu'il a confiée. Voilà, le personnage de Max sera interprété par Xavier Dolan, tandis que celui de sa mère le sera à nouveau par Andorval, bien sûr, voilà. qui revient pour la cinquième fois dans un de ses films. Ouais. Côté ambiance, selon le réalisateur, il faut s'attendre à un projet à mi-chemin entre Tom et la ferme, esthétiquement, emporté par l'énergie de Mommy. Ah oui. Voilà. Bon, bah, ça rassure que d'un côté. Sortie prévue le 21. Ah non, pardon. Non, non, il n'y a pas de sortie non, prévue. Non, non, oui. Ça... non, non, c'est parce qu'en fait, il va jouer dans un autre film. Il va être en tant que comédien dans le premier film de Joel Edgerton, Boy Erased, ah, oui. Justement, où il sera avec Nicole Kidman, Russell Crowe, Lucas Hedges, en tant que comédien. Et ce film sortira le 21 novembre 2018. Voilà. Mm. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là, c'est plutôt son prochain film, du coup, en langue française, de nouveau, au Québec. Ça retourne vraiment sur ses thématiques qu'il avait abordées dans ses premiers films. Mm. Donc voilà, Eddie, est-ce que ça te donne envie tout ce que j'ai évoqué? Oui, bien sûr. Après, j'ai peur que ça devienne redondant, quoi. Il est... Pourquoi t'as pris l'accent belge? Oui, bien sûr. Non, c'est que j'ai laissé traîner mon R, en fait. Oui, ouais. Oui donc bien sûr, oui, mais j'ai peur que ça soit un petit peu redondant, en fait, qu'il revienne vers des thématiques qu'il a déjà traitées. Est-ce qu'il va arriver à se renouveler? J'ai envie de lui faire confiance, mais c'est vrai que J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, Tom à la ferme, ça fait quand même, voilà quoi. Hein, surtout, oui, mais Mommy. Et ma vie avec John F. Donovan, c'est aussi sur ça, entre guillemets. Ouais. Mmh. Ouais, mais Mommy, ça l'était pas. Hein. Non, c'était Laurence Anyways, c'est pour ça que je les ai pas cités. Oui, ouais. Voilà. Mais, mais du coup, j'ai peur que ça tourne un peu. Enfin, que j'ai pas envie qu'on le catalogue dans le réalisateur du drame gay, quoi. Ouais. Mais lui non plus, il veut pas. Il veut pas, mais bon. Il revient vite. Enfin, ouais. Il veut pas. Il avait même mais évidemment, pour ça qu'il c'est un sujet qui le touche et puis ça se comprend. Ouais. Et je suis sûr qu'il en parlera très bien. Mais c'est vrai que. Moi, j'ai peur, en fait, de ne pas avoir la même claque qu'avec J'ai tué ma mère, par exemple. Mmh. Mais en même temps, ouais, ça va être compliqué, parce que J'ai tué ma mère, c'était tellement une surprise. J'ai tué ma mère, c'est assez énorme, hein, quand même. C'est sorti de nulle part, ouais. Complètement. Puis on le sent, enfin, vraiment. C'est vraiment... Il y a ce côté premier film, mais il y a une espèce de fougue, quand même, qui est assez... Mmh. C'est dingue, ouais. C'est assez dingue comme film, quand j'y repense, là... Donc vrai, bon oui bien sûr ça m'intrigue mais j'attends de voir qui sera au casting. Oui, à part Anne Dorval et Xavier. Bah Dolan. Oui bon revoir Anne Dorval ça par contre oui toujours content parce ouais, toujours, on la voit pas toujours. Assez et heureusement qu'il l'a fait tourner. Ouais c'est clair. Donc voilà Morgan. Alors moi je trouve ça intéressant justement qu'ils reviennent à un cinéma, alors je parle pas en matière de thématique, je parle plutôt en matière de casting et de décor, que moi je pensais que justement après son truc de Novan là, je me suis dit bon ça y est il va partir en Amérique, ça y est il va faire tourner comme des Américains. C'est peut-être une manière de signifier aussi que c'était, est-ce que c'est une expérience qui s'est si bien passée que ça en fait ce tournage américain? Ah, avec ouais, des choses imposées par les studios et tout, je sais pas, peut-être. Et surtout des acteurs avec plus de trempe. Bon, Anne Dorval, voilà, c'est une grande actrice, mais bon, elle est moins, comment dire, entre Anne Dorval et je sais pas, Kathy Bates ou même Jessica Chastain. Bon, c'est vrai que sur la balance. À mon avis, Kathy Bates sur un plateau, ça doit être quelque chose. Hein. Mon Dieu, ah ouais, je serais même pas. Hein, c'est... pas comme ça, on dirait c'est... pas, mais pour l'avoir vu dans plusieurs c'est... films et dans American Horror Story, Misery. Aussi, ça a l'air d'être une sacrée dame quand même. Hein. C'est Misery, attends, Misery, c'est une psychopathe qui défonce des pieds. Donc bon, donc disons que voilà, je après peut-être, bon, je vais pas commencer à me faire des déductions, mais bon, ça me fait quand même plaisir qu'il, pourquoi pas, il revient. Après, oui, c'est vrai que sur les thématiques, malgré ce que je disais tout à l'heure, faut pas non plus qu'il tombe que là-dedans. J'ai envie qu'il raconte aussi autre chose. Ouais. Mais comme Mommy avait cette démarche, et finalement, mais je pense qu'il a besoin film, de le faire quand même, parce que, enfin, s'il le fait, c'est qu'il, enfin, il l'a dit, hein, de toute façon, c'est des sujets dont je parlerai tant que j'aurai besoin d'en parler, en fait. Oui, et oui, il y a une manière d'en parler, et après, peut-être que ça va pas prédominer dans le film, ça va non, pas être surligné. Il peut très comme, bien amener par ça exemple, vraiment sur la relation mère-fils aussi. Voilà, bah comme, même si j'ai détesté juste la fin du monde, désolé, j'ai loqué, même si j'ai détesté, bah c'était pas non plus, même si le personnage était gay, mais c'était pas non plus pas un truc. Non. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'était effectivement une. Enfin, c'était jamais dit en tant que. Enfin, oui, enfin, il y avait une scène qui était magnifique oui, d'ailleurs. Oui, une belle scène, oui. La scène du matelas. Et mais sinon, c'était pas non plus. Ça ne parlait pas que de ça. Donc, il y avait. Voilà, on aurait pu, on aurait très bien pu penser justement. Ah, Vincent Cassel, en fait, c'est un homophobe et tout. Alors que pas du tout. Ça aurait pu être très facile, justement. Ça aurait été très facile. Alors que pourquoi il s'énerve, c'est beaucoup plus subtil que ça. Exactement. Donc. Eh ben pourquoi pas. Par contre, Dolan en tant qu'acteur, ça j'avoue, Tom à la ferme, j'ai pas supporté. Enfin, le film je n'ai pas aimé, mais alors lui en tant qu'acteur, je le trouve épouvantable. Mais ouais. Vraiment. Ouais. Mais tu as vu Les Amours Imaginaires ou J'ai tué ma mère ? Non, mais c'est prévu. J'annonce D'accord. que je regarde sûrement Les Amours Imaginaires la semaine prochaine parce qu'il faut que je le voie. Il y a du Dalida ouais. dedans, il paraît. Donc bon, oui, c'est vraiment du Dalida. Donc ouais. Voilà. Ouais. C'est là, Dolan et moi, on a beaucoup de points communs. On est. De Dolan. Ah ouais. Ah ouais. Les Amours Imaginaires. Ouais ouais. Moi, c'est plus J'ai tué ma mère qui me branche quand même que. Ah ouais. Mais ouais. Laurence Anyway ouais. pour Suzanne Clément aussi. Ah oui, j'étais persuadé que c'était Laurence Anyway. Même... Ouais. J'aime beaucoup aussi, mais je trouve un peu trop long. Ah ouais, moi Laurence j'adore, mais ça m'emporte complètement. Ouais, ouais, oui, il est génial. Enfin, mais lui, Poupo est tellement. Et non, puis bah, franchement, Suzanne, pauvre Laurence Anyway. Poupo. Melvin Poupo. Ouais, mais bon, enfin bref, toute sa filmo est assez. Elle a l'air intéressante en tout cas. Même Tom à la ferme, qui a quand même, il lorgne un peu du côté d'Hitchcock. C'est intéressant ce qu'il fait, mais j'ai pas accroché du tout. Ouais, mais en tout cas, voilà, la claque qui a été Momie, je m'en souviens encore. Donc oui. Difficile à oublier en même temps. Ouais. Voilà, passons à la suite qui concerne. Alors là, en sens de Mission Impossible. Oh, putain. La transition de ouf. Mission Impossible, voilà. Fallout. Donc. C'est vraiment prochain... jeu vidéo ça. Oui, c'est, en plus, c'est. Bah oui, c'est pour ça. C'est le jeu vidéo. Oui. Fallout en français. Oui, c'est ça, oui. Fallout en français, Fallout en anglais. Donc, sort le 1er août prochain. On a toujours Tom Cruise qui revient. Tom Cruise. Et première fois dans la saga, donc il s'agit du 6e, pour ceux qui ne suivent pas au fond de la classe. Pour la première fois, c'est... Le petit Morgan, là-bas, là. Le petit Morgan. donc, pour la première de fois... ceux qui suivent... Non, mais j'ai pas entendu, ça. Ceux qui suivent au fond de la classe, le petit Morgan, non, là-bas. En fait... je suis bien, moi, ça va pas. Non, mais je parlais plus aux auditeurs. Ouais, la preuve, je suivais pas, donc... Oui, c'est vrai. Oui, en plus, alors, tu vois... Indépendable. Mission Impossible, ça a toujours été des réalisateurs différents pour chaque film. C'est ce qui fait la richesse de la franchise. Pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs. C'est la richesse de la franchise, c'est ce qui fait... Pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, carrément, oui. Ouais. Le meilleur étant Brad Bird et le pire étant John Woo. Ah putain. Et du coup, c'est la première fois qu'un un réalisateur revient sur Mission Impossible. McQuarrie. C'est Christopher McQuarrie qui avait réalisé le 5e. Qui était très bien. Qui était un très grand film. Excellent, oh là là là là. Excellent, ouais, super, franchement sublime. Un des meilleurs films de 2015, il me semble. Oui, un des meilleurs, oui, voilà. 2015 déjà ? 2016. 2015, voyons, 2015. Punaise, ça fait 3 ans déjà. Bientôt 3 ans, tu te rends compte ? On a plus une Mission Impossible. Ouais. Donc voilà. Et revoyez notre super hors-série Mission Impossible, voilà, qui était très bien. Oui, oui, voilà, on parlait de tout les Missions Impossibles. Donc là, cette fois-ci... Je l'ai pas fait, celui-là. C'est possible. Non, ça me dit rien. Non, je crois pas. Oui. Il me semble pas. Je travaille trop, c'est pour ça. Donc, Rebecca Ferguson reprend son rôle qu'elle avait dans le dernier, qui a marqué beaucoup de monde. Oui. Oh là là là là là là. Voilà. Oui. Vas-y. Donc, dans cette nouvelle aventure, Ethan Hunt devra payer les conséquences de ses actes, accompagné de son équipe de l'IMF. Il se lance dans une course contre la montre qui fait suite au terrible échec d'une précédente mission. Fallout verra le retour de Sean Harris, aka Solomon Lane, le méchant du précédent opus, retenu prisonnier et méconnaissable avec sa barbe. Voilà, il est. Et le méchant du film sera interprété par Henry Cavill, tout en moustache. Oui, voilà, elle est là la moustache d'Henry Cavill, elle est dedans. C'était pour ce film, voilà, qui l'avait fait pousser. Et du coup, donc, on a eu cette bande-annonce pour le Super Bowl. Tom Cruise, bien sûr, fait toujours ses cascades lui-même. Il se fait même des blessures. Il se fait même des blessures, puisqu'il a eu une blessure à la cheville au cours du tournage. Un saut vertigineux entre deux immeubles, apparemment. J'ai pas suivi vraiment en l'histoire, plein Paris. comment il s'y est fait, mais ouais, en plein Paris. Voilà, il y a aussi des scènes à Paris où on passe par la place du Trocadéro, le Grand Palais en nocturne, le quai de la Seine, C'est etc. chouette. Franchement, visuellement, ça envoie. Ça a l'air d'être comme le dernier. Christopher McQuarrie a l'air de rester dans ce qu'il connaît et dans ce qu'il sait faire le mieux. Et bah c'est ça a punch, hein, l'air de toute vraiment. façon. Hein, y a... Ouais. Lui, je pense que là, Ouais. niveau rythme, il maîtrise plutôt bien quand même. Oui. Et puis en plus, on avait atteint vraiment des niveaux de tension sur La certaines scène scènes dans là, le dernier. dans Dans un l'eau. réacteur là, Dans, sous l'eau. ouais, dans le, dans, ouais, sous l'eau, c'était vraiment. On retenait son souffle pendant quasiment toute la scène, quoi. C'est vraiment, c'était impressionnant au niveau du rythme, au niveau de la tension qu'il arrivait à porter sur ce film. Donc, moi personnellement, je l'attends beaucoup. Je suis très impatient de le voir. Les cascades ont l'air dingues. On se demandait ce qu'il allait pouvoir faire de plus après s'être attaché Un avion. à un avion. Eh ben, il fait quand même des trucs assez exceptionnels. Il s'attache à un hélicoptère, voilà. Le mec est dingue en fait. C'est Jackass. Ouais, non, mais c'est Jackass, vraiment. Il a piloté l'hélicoptère, il me semble, Oui, peut-être bien, pour oui. la scène. Enfin, bref, voilà quoi. Donc, il a piloté la moto à contresens dans le carrefour de l'Étoile à Paris. Donc, voilà, il est complètement fou. Mais c'est ce qui rend, Et c'est assez réjouissant, quoi, de voir un mec qui s'investit autant. non, mais voilà, c'est ce qui rend le truc intéressant. Hein, c'est ce qui et puis ça fait plaisir aussi de revoir toute l'équipe se former. Alors, je sais pas si on j'ai oublié son nom, Okai. Jérémy Renner? je sais pas Ah, si Jérémy Jeremy Renner. Renner sera là, puisqu'on l'a pas vu dans la bande-annonce. En tout cas, on voit Simon Oui, il sera là, Pegg. on le verra un peu de loin, mais voilà. Voilà. Mais Ce on sera revoit le mec aussi qui va Alec au troisième plan. Baldwin. On revoit aussi Alec Baldwin, Simon Pegg, donc voilà. Bon, il va sortir une poubelle à un moment donné, ça va être trop bien. Donc voilà. Super bonne annonce. Moi, je suis super impatient. Morgan, toi. Oh mais tellement ça a l'air d'être le meilleur James Bond depuis. Oui parce que ça fait très James Bond quand même hein. Ouais, c'est Et ça vrai. je voilà non mais c'est j'avais un peu enfin j'ai toujours la petite crainte de me dire pourquoi Macquarie a réitéré mais il y a énormément de choses qui m'ont plu dans le trailer. Voilà il y a une noirceur quand même au niveau du traitement qui a l'air assez marqué plus qu'à l'accoutumée. Ouais. Cette rivalité, d'ailleurs, je trouve que ça rend le truc un peu cohérent parce que justement, le Mission Impossible 5 était très intéressant dans les relations entre les personnages, notamment entre Ethan Hunt et le personnage de Rebecca Ferguson. C'était assez, y avait une rivalité, c'était très ambivalent et un jeu de séduction. Et là, je pense qu'il va développer davantage ce truc-là. Alors que si on avait refourgué ça à quelqu'un qui n'avait pas non plus. Voilà, dirigé à 100% le précédent, il aurait peut-être souffert d'incohérence, il aurait peut-être mal fait évoluer ses personnages. Donc C'est là, le ils vont risque, suivre ouais. une ligne qui... Voilà, donc là, il y a quand même, au niveau de la cohérence ou même de l'évolution, je pense qu'on va peut-être avoir quelque chose d'inédit dans la franchise. On va peut-être avoir, comme un James Bond finalement avec Daniel Craig, un truc qui fait que, et pourquoi pas, peut-être que le Mission Impossible 7 sera toujours par Macquarie, il va peut-être faire une Oui, j'ai trilogie. envie de faire un arc Peut-être que ça va narratif, se ouais. montrer plus ambitieux que ça, voilà. Il y aura peut-être un arc narratif qui va pousser plus loin. Donc, c'est pour ça que je me dis pourquoi pas. Et le Tom Cruise qui s'investit. De toute façon, Tom Cruise, je pense que le jour où il fera un snuff movie, il va vraiment mourir. Non, mais vraiment. Non, mais Tom Cruise a quand même ce... S'il y a bien un acteur qui se. Et en Il veut plus, il s'est mourir fait. sur scène, c'est le rêve de Voilà, comme l'artiste. Dalida. Et bah. Il a d'ailleurs il s'est blessé hein, je crois il s'est pété il s'est pété le pied hein, pendant C'est ce que pété ça la se joue rotule, oui, je crois. ah ouais non mais voilà mais il se met en danger quoi et pour le spectacle parce que Mais voilà d'ailleurs, on le c'est un voit, mais il acteur s'est qui bien ramassé la s'investit gueule. ah Il ouais l'a vu sur une et vidéo. ça et il en rigole en plus il était Ah vu dans oui, une non mais émission de le. télé il était Oui. là putain, le mec il rigole quoi c'est génial Ça te rend hyper positif et en fait, la scientologie. Ouais, on va peut-être y aller, tiens. On est peut-être c'est con, cool. Hein. Ils ont peut-être tout compris. Et en tout cas, le bonheur de voir un acteur s'investir et tout, et ça donne vraiment quelque chose d'authentique aux cascades, parce que quand on verra une cascade, on va dire il l'a vraiment fait. Bon, avec justement des protections, tout ça et tout, oui, évidemment. Sûr, ouais. Mais il l'a fait. Et ça, c'est super. Ça rajoute un degré supplémentaire dans le plaisir du spectacle et de voir toutes ces chorégraphies, toutes ces cascades. Il y a vraiment ce plaisir-là. Et Tom Cruise arrive vraiment à le communiquer. Et l'histoire a l'air. Encore une fois, pour le duo entre Rebecca Ferguson et Tom Cruise. Vraiment, ouais. C'était ce qui m'avait le plus passionné dans le 5. Ouais. Et là. Et si on peut avoir, ne serait-ce qu'un petit. Un petit peu la même chose que cette scène de l'opéra. Qui était magistral dans le 5e. Oui. Oh, je pense qu'on l'aura. Alors, en revanche, j'aimerais qu'on ait un méchant. Et là, pour le coup, c'est bien parti. Parce que Henry Cavill en méchant, ça le fait. Franchement, le petit aperçu sur le combat entre Tom Cruise et Henry Cavill, c'est quand même assez musclé, assez féroce, assez Brutus. Et franchement, j'adore. Et c'est un peu ce qui manque à Mission Impossible, peut-être des méchants. Ouais, charismatique. Même Philippe Seymour Hoffman, finalement le personnage est pas très bon, c'est juste lui, c'est sa classe naturelle qui fait qu'on l'aime bien. Mais que Jean Reno. Ouais, encore Jean Reno. Je trouve que Jean Reno, enfin désolé, je trouve que c'est un peu une arnaque. C'est pas un grand acteur Jean Reno. Non. Je trouve. Il joue quand même assez mal, je trouve. Voilà, son meilleur rôle c'est Mufasa. Donc bon. Bon, dans Léon il est bien. Mais j'ai un peu dit. Ouais. Ouais, mais il fait du Jean Reno. Ah oui, mais en même temps, tu veux qu'il fasse quoi? Il va pas faire du Christian Clavier. Non, j'avoue, Godefroy, c'est cool. Les visiteurs, c'est cool. Parce qu'ils se libèrent. Bah oui, sinon, non, mais Jean Reno. C'est la blague. Il est très à l'aise finalement dans le comique. Oui, plus à l'aise dans le comique que dans le sérieux. Dans le sérieux, je le trouve un peu monotone et tout. Donc là, voilà. Mais bon. Wasabi. En tout cas, un petit méchant qui a un peu de personnalité, un peu de charme, c'est parce qu'il n'y a jamais vraiment eu ça dans Mission Impossible. Autant chez James Bond, il y a ce qu'il faut. Mais si on pouvait avoir un méchant de qualité, ça serait bien. Mmh. Ouais. Et du coup, je l'attends énormément. Une de mes plus grosses attentes. Du coup, je change. Je supprime God Particle. Et je mets... Parce que techniquement, il n'est pas sorti. Il doit sortir en avril. Donc moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. Donc je mets Mission Impossible, Fallout. Voilà. Ouais. Ok. Oui, bah moi oui, hein, je l'attends, c'est un Mission Impossible, donc voilà quoi. Ça va être un des films de l'été de toute façon. Je pense. Ça c'est clair. Fin du printemps. Il sort le 1er août. Bah, je crois qu'il sortait au mois d'avril. Non. Mais qui c'est qui sort au mois d'avril? Mais non, c'est Morgane qui faisait une blague. C'était une blague, je disais, parce que God Particle devait sortir en avril. Et du coup, bah, comme je l'ai vu en avance, parce que bah, voilà, Netflix, on connaît toute l'histoire. Bah, voilà, à la base, c'était une blague. C'est pas grave, il est très tard. Et Eddie n'a pas dormi depuis très longtemps. J'ai pas dormi depuis 5 heures ce matin. Bon, bah là, attends, avec ce dont on m'a parlé, il va être réveillé. Fais-moi confiance. Donc, nouvelle bande-annonce de Jurassic World 2. C'était juste dans le dernier Parlons Cinéma dont on parlait. Comme quoi, ça se suit. Première bande-annonce. Là, Super Bowl je pensais pas qu'elle sortirait oblige. Si tôt. Ouais, Super Bowl oblige. Eh ben, ils nous l'ont sorti. Du coup, nouvelle bande-annonce avec une nouvelle ambiance. C'est moins. Ça s'intéresse. Il s'intéresse moins à l'action, pardon. Et il va plus dans le développement de l'histoire en elle-même. Et aussi, il nous montre un peu les scènes. De tension, ce qu'on nous avait promis, vraiment, et ce qu'on attend plus de ce Jurassic Park, vu qu'il réalise Juan Antonio Bayona, pardon. Du coup, voilà, on a déjà dit qu'il allait sortir le 6 juin avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard dans les rôles principaux. Voilà, donc. Eddie, toi, je sais que tu étais plutôt réservé sur la première bande-annonce, oui. Et celle-ci t'a mis plutôt en joie. Oui, plus quand même. Ouais. Oui, parce que bon, en fait, c'est la bonne réponse, je trouve, à la première, en fait. Clairement. Et surtout, ça commence. Enfin, il y a un petit hommage à la scène dans la cuisine. Ah ouais. avec la pâte qui. Qui frotte contre le sol. Et l'Indoraptor a l'air d'être une belle saloperie, hein. Ouais, c'est quoi donc c'est censé. Bah, c'est un nouvel hybride en fait. Ouais, c'est un hybride qui a été créé. Donc il nous montre bien quand même qu'il reste dans le dans l'hybridation en fait des dinosaures, donc bah, ça fait le lien avec Wu aussi, qui quand même, je le rappelle, s'est barré de l'île. Ouais, avec, à la fin de Jurassic World, bon, on peut spoiler, je pense. Alain, c'est le film quand même été vu, je pense, par la moitié de la planète. Ça, bah, se barrait, oui, de l'île à la fin de Jurassic World. Avec une mallette, et des échantillons, des embryons de ce que l'on supposait être des dérivés de l'Indominus Rex, pour les vendre soit en open source, soit à l'armée, on ne savait pas trop encore. Et a priori, il a bien fait youyou, puisque il a sorti un nouvel hybride. Et qui a l'air bien flippant. L'Indominus, niveau saloperie, on était pas mal. Ouais. Et là, ça a l'air d'être une belle saleté. Le côté Reddit de l'hybride, c'est peut-être pas ce qui me plaît le plus. Par contre, ce qui me met vraiment en joie, c'est l'ambiance, Bayona, là, dans le manoir. Et on savait qu'on allait avoir droit à ça, et c'est réjouissant, en fait. Du coup, les dinos sont sur le continent, là, c'est clairement ça. Ouais. Moi je suis du coup celui-là, je suis vraiment curieux maintenant de voir cette suite. Même si je vous cache pas qu'au mois de juin, ce que j'attends le plus, c'est la sortie de Jurassic World Evolution en jeu vidéo sur PC pour pouvoir faire mon parc moi-même. D'autant plus le jeu vidéo que le film. Non, après c'est vrai que il faut quand même qu'il... Enfin, moi j'ai toujours un peu de mal avec ces suites à Jurassic Park pour une chose spécifique, c'est il faut vraiment être con pour retourner sur une île, et surtout là c'est censé être Isla Nublar qui a été abandonnée, où il y avait Jurassic World et Jurassic Park d'ailleurs. En fait, le volcan qui est inactif sur l'île commence à se réveiller, et Owen et Claire, donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, s'organisent pour aller sauver les dinosaures restants de l'extinction. Voilà. Bon, j'espère qu'ils trouveront une méthode scénaristique pour nous expliquer pourquoi ils sont aussi cons et pourquoi ils font ça. Claire, quand même, qui a monté un groupe de protection des dinos. Ouais, mais bon, après ce qui... Enfin, je sais pas, ouais. Ça paraît vraiment bizarre, parce qu'ils voient très bien que ça fonctionne pas et qu'ils arrivent pas à contenir les dinosaures. Oui, c'est vrai qu'après, le discours est intéressant quand même, quoi. Parce que c'est des créatures vivantes. C'est assez actuel. Enfin, pour le coup, avec tout ce qu'on voit, les vidéos de protection des animaux, ce qu'ils dénoncent dans les abattoirs, toutes ces choses-là, je trouve que ça fait écho aussi... à tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, un peu comme pour le premier film, c'est toute la campagne virale, en fait, aussi. Dans le premier film, ils avaient... pour moi, c'est peut-être la meilleure campagne promotionnelle à ce jour. Ils avaient quand même fait un vrai site internet dédié à Jurassic World, où on pouvait réserver ses billets, avoir un aperçu des attractions et tout. Ouais. C'est quand même vachement bien, je trouve, d'avoir fait ça. Et là, c'est il y a le vrai site internet du groupe qui veut protéger les dinos. Et là, juste avant le podcast, justement, je suis tombé sur un article où le groupe, en fait, s'en prend carrément à InGen, qui est la société mère. Et dénonce notamment des créations interdites, comme par exemple, ils font un lien avec le spinosaure qu'on voit dans Jurassic Park 3. La création de ce dinosaure-là n'avait pas été approuvée, en fait. Et ça, on ne l'apprend que maintenant. Malheureusement, c'est de la promo virale, et tout le monde ne suit pas forcément la promo virale. Il y en a qui vont suivre les bandes annonces, mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant. Et mais après, ce genre de choses, je pense qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils savent que c'est les fans hardcore qui vont aller chercher ça, et c'est eux qui ont vraiment envie de savoir ça. Les gens qui regardent de façon plus lambda, quoi. De façon lambda, ils s'intéressent peut-être pas à savoir ce que le spinosaure, ça a été pas approuvé par... Et donc, du coup, ça démontre bien que déjà, InGen, à l'époque où John Hammond a créé Jurassic Park, il y avait déjà des membres qui se permettaient un peu... Comme dans toute innovation, finalement. Donc, je pense que le film peut avoir à nouveau un discours intéressant. Et je persiste et signe, mais pour moi, Jurassic World est quand même assez incompris. Je pense que le premier, il y a beaucoup de choses derrière qui sont. C'est vrai que le problème, c'est que c'est un film qui, finalement, quand on lit entre les lignes, a un discours plus subtil qu'on le pense, mais par contre, c'est fait avec des gros sabots, quoi. Et là, je pense que Bayona, lui, est capable quand même de mettre en avant un vrai discours tout en jouant plus sur l'émotion et sur la tension, parce qu'il maîtrise bien. Bon, par contre, ce qui est un peu moins réjouissant, c'est que Jurassic World 3 a été annoncé aussi, et a priori quand même réalisé par Colin Trevorrow. Et ça, on s'en doutait. Qui s'est fait jeter de Star Wars. Donc, on se doutait bien que s'il y en avait un troisième, c'est lui qui allait s'en charger, parce que le mec, de toute façon, n'a que ça dans sa carrière. Donc voilà. Le pauvre, il est revenu la queue entre les jambes. C'est un peu ça. Mais bon, ce qui est rassurant quand même dans cette bande-annonce, c'est que bon, moi j'avais peur que Fallen Kingdom soit un peu plus le film de Trevorrow que de Bayona, et ça a quand même l'air, en tout cas, une partie a vraiment l'air d'être le film de Bayona. Oui, clairement. Ce qu'on voit dans cette bande-annonce, en tout cas. Ouais, la tension a l'air vraiment. Les notes de musique, là, au début. Ouais, aussi. Ouais. Aussi, enfin, tout a l'air vraiment. Et puis c'est pas vilain, je trouve. Non, c'est ça. Franchement, ça va. Finalement, les dinosaures sur le continent et dans des univers qu'on connaît mieux, des maisons, des choses, paraissent plus réalistes. C'est ce qui est quand même assez paradoxal. Oui, c'est vrai que c'est. On revoit le T-Rex aussi. Donc j'étais content. Voilà quoi. Enfin, c'est Jurassic Park, donc je ne peux pas ne pas l'attendre. Hein. Ouais, non, j'ai une réputation à tenir. Pour l'instant, même. Ça. Oui, c'est normal. Moi, j'irai le voir, oui. Mais... C'est sûr. Avec autant de plaisir et de crainte que j'irai jamais été voir le précédent, et voilà. Ouais. Et que j'irai voir le troisième, de toute façon. Non, mais ça, c'est normal. Voilà, après, on verra si. S'il tient toutes ses promesses, moi en tout cas je l'espère, parce que c'est justement ce que je disais dans le dernier podcast, c'est moi ce que j'adore dans Jurassic Park, le premier du nom, c'est toute la tension qui se crée dans la troisième et dernière partie du film, et qui est vraiment, je trouve, extrêmement bien ficelée et réalisée, Spielberg oblige. Et puis du coup, là, c'est vrai qu'on ressent vraiment le lien qui unit un peu Spielberg à Bayona, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Bayona comme étant un réalisateur assez proche finalement de ce que fait Spielberg, et notamment dans son dernier film, je trouve. Et là, pour le coup, c'est vrai que le peu de scènes qu'on voit dans cette nouvelle bande-annonce, ça rappelle beaucoup ce que Spielberg a pu faire dans les premiers et même dans d'autres films. Hein. Ouais, non, clairement. Voilà, moi, je suis plutôt impatient, je suis plutôt content de voir cette bande-annonce, parce que j'avais peur en voyant la dernière, et là, je suis plutôt rassuré. Voilà, je crois en ce film, je serais content d'aller le voir. Voilà, puis bon, la saga Jurassic Park est active, quoi, quand même. Et ouais, ça, c'est cool, elle moi, est pas, je suis content. Elle est pas morte, non, elle n'est pas enterrée. Elle produit des films qui peuvent être, enfin, qui ont le potentiel d'être des bons films. Par contre, deux trilogies, clairement, c'est suffisant. Hein. Je pense qu'après, faudra passer. Faut pas nous faire une fin ouverte sur le 3, parce que bon, non, quoi. C'est... Après, si ça rapporte le même. Déjà, je pense que le deuxième marchera un peu moins bien. Ouais, je pense. Parce que la bande-annonce plaît quand même plus que le. Enfin, le film a l'air de plus rassurer les gens que le premier. Mais la bande-annonce fait pas l'unanimité non plus. Bon, ça c'est normal aussi, mais. Parce qu'il y en a, de toute façon, voilà, la vision intégrée dans Jurassic World ne passera pas. Et ne passera jamais. Bon, après, ce que je peux comprendre, hein, mais. Je pense pas que Fallen Kingdom marche autant que Jurassic World. Oui, non, c'est clair que. Je pense que même Universal avait été surpris par j'y attendais pas. Le nombre d'entrées qu'ils ont généré avec Jurassic World, parce que voilà quoi. Mais Morgan, toi, vite fait, tu as vu Vite fait, oui, non, j'ai vu la bande-annonce effectivement, et je suis plutôt séduit avec quelques, parce que Bayona, c'est pas le réalisateur que je porte dans mon cœur. Enfin, je l'aime. Voilà, j'avais beaucoup de mal avec The Impossible, j'ai trouvé Quelques Minutes Après Minuit très très très bon, excellent même, pas non plus que ce soit le film du siècle. Non, mais c'est vrai que c'était beau. Survendu. C'était très beau, mais je pense qu'on me l'a un petit peu survendu, comme un certain film de Guillermo del Toro qui est sorti hier, qui est très bien, mais je dis, bon, voilà, je rejoins peut-être pas la hype globale, enfin, je vais pas me déshabiller vrai, dans ces nues en tête quand même, d'amour pour ce film. L'Orphelinat, hein, qui est très bon aussi, vraiment, qui est très très très bon. C'est, oui. C'est très fort même, je dirais. Ouais. Ok. Et du coup, bon, bah, c'est une curiosité, non pas une grosse attente, mais une curiosité. Très bien, très bien. Voilà. Ok. Passons à la suite avec. Cette fois-ci, on passe sur du film français. Oui, et bien français, là. Hubert Bonisseur de la Batte. Voilà. Donc, les amateurs auront compris. Il bon, faut que je les voie absolument, je les ai encore pas vus. Moi, j'ai une question, par contre, juste avant. J'ai une petite question. Oui. Comment est votre blanquette? Vas-y, fais-la parce que. Voilà! Désolé, mais bon, il fallait quand même. Voilà, il fallait la faire. Ouais, mais il y en a qui vont pas comprendre, mais si vous comprenez j'ai pas. Pas vu, mais j'ai compris. Je vous juge. En fait, j'ai vu un peu des best-of du personnage. Oui, des best-of, voilà. Ouais. Faut vraiment que tu les ouais, je pense que j'aimerais vraiment, en plus. Ouais. Non, franchement, il y a aussi les boules. c'est vraiment excellent. Donc. OSS 117, Jean Dujardin a annoncé lors de la promo de son dernier film qui est Le Retour du Héros. Le Retour du oui, Héros. Que Morgane a vu d'ailleurs. Oui. Oui, que pas. C'est pas honteux, mais voilà, c'est, ouais, voilà c'est j'ai oublié. Apparemment, c'est pas ouf. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est pas donc, génial. Il a annoncé lors de sa promo à Quotidien qu'il y aurait un OSS 117 numéro 3. Voilà, tout le monde a applaudi, tout le monde était content. Oui, mais... Voilà. Mais il y a un twist final qui plaît pas à tout le monde. Voilà. C'est interrogé sur le sujet, lors d'une projection de La Garçonnière à laquelle il participait, Michel Hazanavicius a confirmé que OSS 117-3 était en préparation, mais que le projet se ferait sans doute sans lui. Même pas à la prod. Il a dit, pour le citer, ça devrait se faire. Moi, je fais un autre film, mais ça devrait se faire. Voilà. C'est tout ce qu'il a dit. Alors, c'est des propos rapportés par les spectateurs à cette séance, du coup, de la garçonnière de Billy Wilder, à laquelle il participait, en tant qu'intervenant, et après faire une session questions-réponses. Mais ça n'a pas encore été confirmé officiellement, donc on ne va pas non plus... Mettre des guillemets, quoi. Voilà, on va mettre des guillemets, mais après, il y a quand même 500 spectateurs dans la salle qui ont entendu ce qu'a dit 500 menteurs. Donc ça paraît un peu compliqué de mentir à cette échelle-là. Voilà, donc apparemment, c'est sans Michel Hazanavicius, et ça rend tout le monde triste, j'ai envie de dire. Surtout que c'est clairement son univers, c'est lui qui l'a développé, vraiment il y a mis sa patte, et personnellement je vois pas qui pourrait reprendre le flambeau et le faire aussi bien que lui. Ah, Paul Laurentira apparemment. Oui. Franck Gastambide. Arrête. C'est l'hécatombe. Ou Philippe de Chauvron, là, le réalisateur de Mais qu'est-ce qu'on a fait, oh mon dieu. Bah, voilà. Là pour le coup, voilà, s'il aime le truc un peu voilà, communautaire, il peut y aller. Hein, c'est... Ouais. Ouais, non, sauf que c'est du second degré, là, tu vois, c'est pas du premier. Non, voilà, donc. Alexandre Astier. Ouais. Ouais. Ah, je... non, mais ça, c'est impossible. Il fait sa trilogie Kaamelott. Attends, là, il a ouais. Clairement pas le oui, temps. Oui, non, là. C'est sûr. Il n'a clairement pas le temps, donc voilà. Astier, là, il est pris sera... pour au moins 10 ans, donc c'est oui, sûr, c'est si clair. Ce n'est plus. Si ce n'est plus, hein, bah, je crois en plus qu'il est encore en train de chercher putain, des fonds. Qu'est-ce que j'ai hâte. Pour le film, il me semble. Qu'est-ce que j'ai hâte, Donc, OSS 117, ben, toi, Eddie, du coup, tu n'as pas vu les deux premiers. Donc, oui, mais j'imagine que c'est une bonne nouvelle quand même, donc bon, c'est cool. Je suis content ouais. Pour ceux qui adorent, c'est vrai que bon... Je les ai pas encore vus, c'est vrai que ça fait partie de ces films qui. Bah non, sois triste, parce qu'il n'y a pas Michel. Ouais, il y a Jean Dujardin quand même. Je pense que. Ouais, c'est encore. Rien. Bref. Oh, putain, justement, ça se trouve, ça va être James Hutt. C'est le réalisateur de Brise de Nice 1 et 2, là. Enfin, 1 et 3. 1 et 3. Ah non, non, non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Pas. Non, non, non, non. Voilà. Bon, Morgan, ouais. Bah non, j'étais content. Parce que j'aime beaucoup les deux premiers. Sans pour autant faire les comédies, les plus grandes comédies françaises de tous les temps. Peut-être, voilà. Après, ouais. Non, si, si, j'ai ouais, quand même une crainte. Et ça, vous pouvez, voilà, je pense que le 3, qui se fera, c'est sûr, évidemment. Donc s'il n'y a pas Michel Hazanavicius, bah, même qu'il soit là ou pas, je pense malheureusement qu'on vit tellement, on est tellement dans une période où tout est polémique qu'il sera bien trop sage. Je doute fortement qu'il tape autant que les deux premiers ont tapé. Parce qu'en plus, le 2, il est sorti en 2009, je crois. Ouais, ouais. Donc, il n'y avait pas encore Twitter et tous les « Ah là là, mon Dieu, ah là là, mon Dieu, que c'est sexiste, mon Dieu, c'est transphobe, mon Dieu, c'est machin. » Donc, je pense que ça va être compliqué, vu que, bah voilà, maintenant, les censeurs... Les gens sont censeurs... entre un personnage et le propos, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a une qui s'est. J'ai rien contre le féminisme, au contraire, je le défends. Mais effectivement, Alexandre Astier avait répondu à quelqu'un qui avait accusé Alexandre Astier et Kaamelott de faire de l'humour sexiste, misogyne et tout. À quelqu'un qui avait quand même écrit dans sa bio qu'elle était misandre. Donc il a quand même dit quelqu'un qui écrit misandre ne doit pas me faire la morale. Il avait dit. Faites le ménage dans ce qui vous sert de conviction et foutez la paix à mes personnages. Et ça, j'avais trouvé ça très bien. De toute façon, il a la répartie. Voilà. Hein, à... Non, mais, non, mais Arthur, moi, je n'ose même pas le clasher. Alexandre Astier, hein. C'est pas qu'un personnage. Oui, mais oui, il voilà. Est vraiment comme et ça. J'espère, justement, autant je ne crois plus du tout en OSS 117.3, mais qu'on se le dise, j'y crois pas du tout à ce projet. Ça va se faire, mais je le sens très mal. Mais j'espère que quand Astier va venir, et je le sens, il va faire un raz-de-marée, il va s'en foutre de tout, il va faire ce qu'il a envie, ce qu'il a toujours fait, et là, il va montrer qu'il est le patron, et qu'en France, on peut encore rire, parce que je pense qu'OSS 117.3 va être bien trop édulcoré. Et où la poulette voilà. Hein. Ah, mais d'accord, oui, mais j'ai compris. Oui. Akadok. Voilà, donc, mon avis, ouais, je suis à peu près d'accord avec ce que tu dis, Morgane, c'est vrai que... Vous avez aucune personnalité, en fait. J'avais pas pris le vous temps d'y penser sous ce... Sous ce point de vue-là, j'avais pas pensé au fait, c'est vrai que OSS 117 1 et 2, c'est de la comédie. Enfin, vraiment, il tape à tout va et c'est ce qui est fait oui. Le charme des films, vraiment. Totalement. J'avais pas pensé que c'est vrai que à cette époque où Twitter est vraiment j'ai l'impression la cour martiale de tout ce qui ah se ouais, passe dans non, le monde ah ouais non mais maintenant entier, dans chaque comédie française tribunal. Dans chaque comédie française on prend une réplique et puis tu sais on la met sur oh là mon Dieu c'est ouais, oh non voilà, faut ouais. Arrêter hein. Attends, même attends Friends Friends ce serait sexiste misogyne homophobe ou je sais pas quoi. Non mais attends, c'est une blague. C'est quand même la série qui pourquoi elle est encore populaire aujourd'hui, que c'est la série. Voilà, je dis pas ça parce que c'est une de mes séries préférées, enfin ma deuxième. Enfin c'est ça fait partie de ma vie. Mais attends, Friends, ça parlait du mariage gay, ça parlait de thèmes qu'on n'osait même pas parler à l'époque et qu'aujourd'hui sont d'actualité. C'est une série qui était en avance sur son temps. Il faut juger par rapport au contexte de l'époque. Alors la petite maison de la prairie, c'est le patriarcat, etc. Faut arrêter de tout réévaluer comme ça. C'est même dangereux oui. D'en arriver là. Oui, oui. Bref, on n'est pas là pour faire ce genre de. Oui. Non mais je non, tiens mais, à le dire parce non, que c'est vrai, sur Twitter mais... c'est compliqué, ça m'énerve. Non, qu'on on peut réévaluer, on peut avoir du recul, mais là faut arrêter des non, fois. Après il faut relativiser parce que c'est vrai que moi de moins en moins j'utilise Twitter pour ce genre de choses, mais. C'est vrai que je l'utilisais pas beaucoup. Mais du coup, ça m'encourage pas. Ouais, non, et faut relativiser en se disant que c'est vraiment les émotions, enfin vraiment pures et sans filtre de la planète. En fait, c'est tout le monde qui crie en même temps, et on sait pas, y a pas de filtre, quoi. Et donc, c'est pas représentatif, quoi. Le monde n'est pas sur Twitter et ça ne représente pas le monde, voilà. C'est clair. Donc voilà, pour repartir sur la C-117, voilà, je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Surtout, je pense qu'il va être très décisif, c'est les personnes au scénario et les personnes derrière la caméra. C'est ce qui va faire tout le projet, si, enfin, que le projet se foire ou pas. ces deux personnes-là principales qui vont faire tout le film, quoi. Même si Jean Dujardin est devant la caméra, et aussi bon soit-il, si le scénario est pourri et si le réalisateur ne sait pas filmer, il pourra rien y faire, quoi. Voilà. Passons à la suite, toujours du film français. Oula, oui, alors là, autre chose là. La première annonce de Gaston Lagaffe, voilà, qui arrivera dans les salles le 4 avril 2018, après les films en 2017 qui ont été adaptés de BD comme Boulet Bill 2, Valérian, Seul, Le Petit Spirou ou Les profs. Zombie Millennium. Les profs, c'était pas en Ah 2017, bon? il me semble, Non, le c'est vrai, non, 3. c'est vrai. Il me semble que c'était en 2016. Je sais plus. Je crois que je l'ai même pas vu, mais je m'en souviens. C'est le même réalisateur, par Donc, contre. oui. Et sachant que Les Aventures de Spirou et Fantasio, il est déjà sorti là. Il est sorti. Normalement, il est censé être Oui, je vais le sorti voir demain. le 21 février, donc voilà. Je vais le voir Il demain. est sorti le 21 février, donc un jour après. Oui, ça a l'air bien. On enregistre ce podcast. Voilà, Gaston Lagaffe, personnage charismatique de mince, j'oublie son nom bien sûr, alors que j'adore. Et merde, j'ai pas son nom. Bref, c'est pas grave. Franquin, André Franquin, merci. Voilà. Et c'est Franquin. Non, non. Non, ok. Voilà, personnage de Franquin, qui a notamment créé aussi Spirou et Fantasio, ainsi que le Et Marsupilami. qui s'est compté deux par deux. Oh, je ne relève même pas. D'ailleurs, comme on digresse pendant ce podcast, et que c'est le podcast de la digression, j'en profite pour vous conseiller Les Idées Noires de Franquin, une superbe BD, une de mes BD préférées. Voilà. On passe du coup voilà, sur cette bande-annonce qui. Ce film est réalisé par PEF, donc Pierre François Martin Laval, voilà, à qui l'on doit Les Profs 1 et 2. J'ai dit 3 la dernière fois, je confonds avec Les Tuches, tu vois, donc c'est vraiment, vraiment que tout se mélange dans mon cerveau. On Bah, il a. joue dans Les Tuches en Oui, même temps, Gaston Lagaffe. Hein. Théo Fernandez. Qui est très sympa, je l'ai vu en avant-première et tout, j'ai parlé avec lui, il est adorable et tout. Et il était même surpris parce que je lui ai dit que je l'avais adoré dans Le Secret d'Élise, le truc qui était passé sur TF1. Il a réfléchi, il a dit, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Lui-même s'en souvenait plus. Et voilà, très, très gentil pour ne parler que de son De caractère. l'humain, voilà. Non, mais vraiment très. Donc il interprète Gaston, du coup, on l'a vu aussi dans Les Tuches. Il est entouré par Alison Wheeler, Arnaud Ducret et Jérôme Commander, ainsi que Ah, Pierre-François j'adore Martin Jérôme Laval. Commandeur. Voilà. Donc ça, c'est le casting principal. Bande annonce, Morgane, et tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, j'ai vu et je suis pas. C'est vrai que PEF, moi je peux aimer. Bon, j'aime pas les profs, mais PEF a quand même un univers un peu décalé qui me plaît. Et je le dis, je le répète, voyez un film de lui qui s'appelle Essaye-moi, avec Julie Depardieu et Pierre Richard, qui est tendre, fou, mais rempli de poésie et d'humour. Voilà, c'est peut-être un des films très méconnus, mais que je vous conseille. Après, j'ai peur que là, ce soit un petit peu trop dans l'excès. Et je le dis calmement, je vais pas dire oh, la mort du cinéma français, mon Non, vieux. bah non. Non, mais c'est un peu excessif pour moi. Je suis pas pleinement convaincu. Donc, Théo Fernandez a l'air de tellement bien correspondre. Même lui, en plus, dans la vie, même moi qui l'ai vu en avant-première, il est comme ça. Il s'en fout de tout. Il est là en mode. C'est vraiment l'ado, quoi. Enfin, l'ado, alors qu'il est, il a 20 ans, je crois. Mais vraiment, c'est le mec qui s'en bat les couilles de tout. Et il le fait très bien. Donc, en termes de personnage, ça peut être bien. Maintenant, ça m'a l'air un tout petit peu Ouais, caricatural, quand ça a même, un l'air peu d'être trop. trop dans la veine des Voilà. profs. Voilà, Ouais. c'est le problème. Ouais. Trop. Sortir de là, je pense que je vais dire, j'en peux plus, quoi. Pendant 10 minutes, ça va, mais après, Ouais, voilà. enfin, c'est un humour basé principalement sur Sur le l'humour visuel, sur ouais, l'humour gaguesque, visuel, ouais. slapstick. Enfin, voilà quoi. Et voilà, ça a l'air d'être un peu too much, même dans la bande-annonce, à la fin, on se dit, ah, c'est bon, j'ai tout vu là, je crois que c'est bon, Voilà, j'en peux d'ici plus. qu'ils nous rajoutent pas, tu sais, un Gaston Lagaffe qui est évanoui, puis avec les étoiles et tout. Tu sais, le genre de truc un peu, bon, les petits détails visuels qui sont pas spécialement intéressants, mais qui rajoutent, qui alourdissent le truc, quoi. J'ai pas envie visuellement, qu'on m'indique où je dois rire, en fait. Ouais, ah Et oui. moi, j'aime bien, pour ça, dans Essaye-moi, j'aime bien parce que c'est plutôt la naïveté des personnages qui font que Pierre Richard en beau papa stalker et tout, ça, c'est très drôle parce que ça, il est dans des situations vraiment comiques. Là, bon, ça m'a l'air un peu d'être le personnage très marqué, quoi. Jérôme Commander, vraiment très. Non, Même PF honnêtement, je pense pas que ça va me. Non. ouais, moi, mais Dieu sait que j'adore PF, vraiment, à son époque, Robin des Bois, je trouvais que ce mec était un génie de la comédie, vraiment, mais je sais pas ce qui lui est arrivé, comment il en est arrivé à réaliser Les Profs et à réaliser ça, après, voilà, j'ai pas vu Gaston, donc je vais pas critiquer le film. King Guillaume, j'avais pas aimé du tout. J'ai pas vu, mais enfin, ça a l'air d'être dans la même lignée, quoi. Je sais pas ce qui lui est arrivé pour qu'il change tout à fait complètement d'humour. Avant, il était dans un humour complètement décalé, complètement absurde. Vraiment, il rendait un super hommage, je trouve, à l'humour anglais complètement absurde. Et là, puis il est parti dans un truc où je le suis plus du tout et je le trouve plus du tout drôle en fait, et je trouve ça vraiment dommage quoi, parce que c'était quelqu'un qui aurait pu pas sauver la comédie française, parce que bon, il y a quand même des bons trucs, on a parlé d'OSS 117, enfin voilà, mais il aurait pu faire quelque chose de vraiment génial. Et alors, j'ai pas vu le film dont tu parlais, Morgane, alors je vais pas me permettre de parler dessus, Essaye-moi, ouais, quand non, mais Essaye-moi, il est très bien. Franchement, je vous le conseille, il faut, ouais. ça paye pas de mine, c'est un tout petit film, mais il y a un vrai charme. C'est inoffensif, et voilà. Ouais, non, mais il faut que je le voie, mais. Ouais, ça dure 1h20, je Ouais. crois. C'est pas. Mais du coup, il l'a réalisé. Enfin, au tout début. Enfin, il a réalisé quand, tu sais, à peu près Ah, l'époque. c'était en 2004, je crois, Ouais, un truc comme voilà. ça. Ouais, donc à Ah, peu je suis sûr près que c'est époque 2004. gras. Ouais, Ouais. rr, époque rr, 2005, ouais, ouais, oui, non, voilà. date de sortie 2005, ouais, 2006, tout ça. Ouais. Donc voilà. Bref, Eddie. Toi. Ouf. Voilà. Ouais. Non, clairement, Ouf. ça ne Ouf. m'intéresse pas du tout. Ouais. J'ai jamais été hyper fan de Gaston Lagaffe déjà. Ouais. Non, la bande-annonce m'a saoulé, hein, clairement. Ah oui, non, mais c'est. On n'en peut plus après. Ouais, on a l'impression de voir un film américain direct ou DVD, là, une comédie Ouais. des années 90, Inspecteur Gadget, Ah quoi. Vraiment. ouais, non. Vraiment, on n'en peut plus, quoi. Après 2 minutes, quoi, c'est assez atroce. Bref, passons à la suite avec. On fait encore un tour à 360 degrés. Ouais. Star Wars. Encore des nouvelles de Star Wars. Une nouvelle série de films a été annoncée. Il a été annoncé par Lucasfilm qu'une nouvelle série de films Allez allait être. être. Il est vraiment très tard. Allait être écrit et produit par les créateurs de Game of Thrones, la série HBO, du coup qui sont David Benioff et Benioff D.B. et Weiss. D.B. Weiss. Voilà, donc une nouvelle série de films qui sera indépendante de la série classique qui se terminera avec l'épisode, enfin qui se terminera entre guillemets bien sûr, avec l'épisode Bah, on va 9, clôturer et l'arc aussi, narratif des voilà. Skywalker. C'est ça, et aussi indépendante de la nouvelle trilogie développée par Rian Johnson. Donc, ça nous fait. Ah oui! C'est que Ouais, moi je non, voilà. pensais c'est eux qui allaient écrire les films que Rian Johnson allait faire. Ah Non, non, non, non, non. C'est complètement autre chose en là là! plus. Donc, voilà. Vous avez deviné que c'est. Enfin, Ah, franchement, on j'avais n'en pas peut compris ça plus, comme quoi. ça du tout. Non, enfin, on sature déjà. On Ouais. sature déjà à l'idée de voir tous ces films. Alors C'est. même si l'idée de voir des Star Wars un peu plus sombres et plus adultes, ça peut me plaire, mais Mais après, avec Disney derrière, ils vont clairement pas faire du HBO. Ah. Ouais, je pense pas. Enfin, franchement, ça m'étonnerait. M'étonnerait aussi. Ouais, c'est. Et pourtant, ça pourrait être tellement Ah bien oui, bah l'univers s'y prête, hein. si leur laissait Le champ libre. la liberté créative, le champ libre, ouais, Je suis. Je suis ton père. Bon bah, pas grave, on baise. de... J'adore! Je veux ça, moi! Bon, après, faut pas oublier que tout ça, c'est quand même George R.R. Martin, hein. C'est aussi Game Oui. of Thrones, hein. C'est pas eux non plus C'est qui. vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on oublie souvent d'où vient Game of Thrones, mais c'est vrai. Voilà. Ouais. C'est pas pour autant qu'il y aura que des morts dans Star Wars ou. Non. Oui, Je non, pense pas c'est que les clair, voilà. psychopathes de l'histoire, ça soit eux, c'est plutôt l'auteur principal. Il Ouais, ressemble au Père ouais. Noël, mais il est pas sympa du tout. Donc voilà, nouvelle série de films. Ils ont dit qu'ils étaient honorés, bien sûr, et aussi terrifiés par la responsabilité et très excités de commencer à travailler sur les films dès que l'ultime saison de Game of Thrones sera achevée. Pour rappel, cette dernière sera diffusée au printemps 2019. Hey, so Donc long. voilà. Donc une nouvelle série Star Wars, encore des nouveaux films. Eddie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse un petit peu ou pas du tout? Pardon? Excusez-moi. Et Excusez-moi. je te demandais si ça, Bah, alors si, ce ça peut silence est m'intéresser. significatif de l'intérêt C'est pas des ça, non, films. c'est que j'ai été Oui, perturbé. y a pas de souci. Oui, si, ça peut m'intéresser. Mais après, c'est oui, moi je pensais qu'en fait, ils allaient écrire les films que Ryan Johnson allait réaliser. Voilà. Donc là, c'est vrai que je Ouais, me dis, et. encore d'autres films à côté, mais ça va être un sacré bordel. Le Star Wars Mais Cinematic ouais. Universe. Non, Mais c'est. c'est clairement ça. Hein. C'est par... enfin, c'est parti pour être ça, là. Ouais. Parce que là, on a en tout, on a déjà les 3, donc 7, 8, 9. On a le Rogue One, le solo. Sans compter les autres, sûrement le Obi-Wan Kenobi qui va sortir, enfin, qui va être annoncé prochainement. Et sûrement d'autres films sur Jabba, comme on Oh en là avait là. parlé. Enfin, vraiment, plus encore cette nouvelle série de films avec un nombre de films qui n'a pas été annoncé, mais bon, quand ils se lancent dans quelque chose, c'est souvent pour une trilogie. Donc voilà, on a déjà au moins une bonne dizaine de films en préparation pour jusqu'en 2030 au moins. Voilà. Ah Ça oui. fait beaucoup, ça fait énormément, et on commence à saturer un peu. Et c'est Déjà, triste de saturer de Star Wars quand même. c'est très triste. On s'attendait peut-être pas à ça. Enfin, si, on s'attendait quand même à ça quand Disney a On se doutait qu'ils racheté. allaient Non, pas franchiser, mais autant, alors moi. à ce point. Pas Ouais. autant. Ouais. Ouais, non, pas autant. Pas autant, surtout qu'ils annoncent aussi des séries. Voilà. Donc, ils sont en. Pour parler, pour faire des séries, etc. Donc, bref, voilà, c'est toute une histoire. Morgane, toi, cette annonce, je sais qu'en plus, tu n'es même pas fan de Game of Thrones, donc ça Non, pas du t'intéresse tout. même pas un tout petit peu. Ouais, non. C'est Non, juste bah des oui. films Bon, en après, plus à aller voir, quoi. c'est des films en plus à aller voir, et puis ça me permet de faire ma petite blague, voilà, que vous Ouais. avez entendu tout à Ouais. l'heure. C'est tout. Non, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, ça m'intéresse pas. Encore une fois, c'est triste de dire ça. Ça m'intéresse. Enfin, pour moi, y a pas. Je suis pas là en disant, waouh, ouais, génial, enfin, Star Wars ambitieux. Non, je me dis même pas ça, tu vois. Mais on n'en peut plus, quoi. Vraiment. Bah ouais, ça fait quand même beaucoup. Comme je dis, je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Hein. Pourquoi vous faites les surpris? Mais je fais le surpris parce que je le suis vraiment. Je Ouais. pensais pas du tout que ça allait être autant à ce point-là. 3 ans après la sortie du premier film, Voilà. on s'attendait Ah pas ouais, à non, là ça. c'est. On s'attendait Ouais. clairement pas à ça. C'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. C'est de la boulimie, vraiment. Et c'est dommage, quoi. Bah, on va passer tout de suite, du coup, à la prochaine news. Ça va montrer notre intérêt pour Star Wars, parce que c'est. Enfin, voilà. On parlait le mois dernier d'un film donc, qui n'avait même pas de bande-annonce, alors qu'il était censé sortir le 23 mai. Tout va très Donc, vite. voilà. Donc, du coup, ils ont profité du Super Bowl pour dévoiler un premier teaser de Solo Star Wars Story, comme je l'ai dit, au cinéma le 23 mai. On y voit Alden Ehrenreich qui prend le rôle de Han Solo, Donald Glover qui reprend le rôle de Lando Calrissian, Chewie qui est interprété par Chewie ou Chewbacca. Chewie, qui est toujours Chewie, Voilà. interprété par Chewie. Non, c'est plus le même interprète en fait. C'est plus, j'oublie son nom maintenant, l'interprète original, mais c'est Jonas Suotamo qui était dans le Réveil de la Force et les derniers Jedi. Donc voilà, et qui a dit à propos de ce film qu'il serait bien différent de ce qu'on a pu voir de la saga jusque-là. On voit aussi des nouveaux personnages incarnés par Woody Harrelson et Emilia Clarke. Qui elle interprète Kira, mystérieux personnage ennemi ou allié, dont la relation avec avec Han Solo s'annonce ambiguë. Voilà. Je sais même plus quoi dire. Ouais, franchement, La on a tristesse vu cette absolue. bande, ouais, on a vu cette bande, c'est, on se dit mais qu'est-ce qu'on va en Le faire problème, quoi, c'est que ça vraiment. procure aucune émotion, quoi. Mais C'est triste, ouais. hein. C'est d'une tristesse Ouais, absolue, quoi. ah C'est, ouais. on se dit, on veut au moins avoir un peu les poils qui s'hérissent quand on Eh voit ben non. pour la première fois le Faucon Millenium. Ouais. Enfin voilà. Et Et là. alors, j'ai vraiment l'air très mauvais acteur en plus dans le rôle Ouais, il a pas. de Han De Han Solo. Solo. Non, Ouais, c'est non, non. vraiment, ça nous. Enfin, personnellement, moi, ça Ça m'enchante pas du m'a pas tout. marqué du tout, je me rappelle même plus de la bande-annonce. Donc voilà, c'est. Ouais, moi je l'ai vu il y a avant qu'on commence le podcast, donc il y a 3 heures à peu près. Non, oui, voilà quoi. Ça m'a pas du tout marqué. Ça a l'air d'être classique au possible. C'est Ron Howard d'ailleurs. Hein, je vais le répéter, mais c'est Ron Howard qui est derrière le film, alors que c'était censé être. Je vais oublier leur nom, bien sûr. Les réalisateurs de Lego, la grande aventure Lego, Phil Lord et Chris Miller. voilà, merci, qui était censé être derrière le film et qui avait tourné pas mal de scènes qui ont été virées par Lucasfilm, on en a déjà parlé. Donc Ron Howard a pris la relève et a fait ce film qui, d'après les bandes annonces, a l'air vraiment très très classique, qui nous donne même pas envie Du d'aller voir. confort, quoi, ouais, du Ouais, non, mais qui nous confort. donne même pas envie d'aller au cinéma, quoi. En plus, hein, ouais. C'est vraiment. Moi, déjà, je suis pas allé voir Rogue One alors qu'il me tentait. Alors, celui-ci, je doute vraiment. Je sais même pas si je vais aller le voir, quoi. C'est vraiment. Et ce que j'avais déjà dit par rapport à cette franchisation de la saga et surtout tout cet univers étendu, c'est la destruction des mythes qu'on se crée dans la tête par rapport aux films originaux, quoi. C'est tout l'univers qui a inspiré les fans à travers les trois premiers films. Eh ben, petit à petit, il se fait manger par l'univers Disney slash Lucasfilm. Et en fait, toutes les histoires qu'on peut s'être fait dans la tête en pensant à Han Solo avant le premier Star Wars, eh ben là, on va vraiment voir ce qui s'est passé. Et ça se trouve, ça va être décevant. Ça va pas du tout être ce qu'on avait pensé, ce que ça pouvait être. Voilà, c'est vraiment enlever l'imaginaire collectif d'une fanbase et imposer sa C'est ça en vision fait. Ça qui perd est un peu claire. le Enfin, charme de ce qu'il faisait Star Wars, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Star Wars, c'était mystérieux parce que justement, on s'étendait pas pendant 1h40 sur un personnage. Il y avait des petits détails qui passaient. Oui, j'ai une fois. Enfin, par exemple, avec Lando Calrissian, on savait qu'il y avait une histoire avec Han Solo. On pouvait s'imaginer ce qui s'était passé. Pourquoi Lando Calrissian avait perdu. Enfin, comment il avait perdu le Faucon Millenium à Han Solo. Dans quelles circonstances? Et ben là, on va le voir. Ouais, ça. C'est pas. Et après, c'est pas un jugement sur les acteurs. Moi, je trouve que Donald Glover, justement, est très bon dans. Enfin, visuellement, je trouve qu'il lui ressemble. Ah oui, beaucoup, ça correspond bien, ouais. Que, mmh. Ouais, ouais, et que c'est un acteur que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, donc voilà. Mais voilà, c'est juste dommage et voilà, ça me donne pas envie. Morgan, toi. Alors moi, comme vous, hein, je rêve pas devant cette bande-annonce. Je ne fantasme pas. Je ne suis même pas curieux. Ouais. Je suis au contraire. Tu sais, s'il n'y avait pas le Star Wars écrit à la fin, et puis évidemment le Faucon Millenium, mais j'arrive même pas à trouver qu'il y ait une certaine incarnation même au niveau des personnages. Alors oui, peut-être que Lando y correspond, mais honnêtement, voilà, mais je n'arrive pas. Alors c'est pas pour tomber dans la facilité en disant Alden Ehrenreich ne correspond pas, mais non, il ne m'inspire rien dans le rôle. En plus de ça, Han Solo n'a jamais été le personnage que je préférais. Autant un film sur Kenobi, pourquoi pas. Je trouve moi c'est vraiment un spin-off qui m'intéresse, ça. Il m'intéresse, voilà. Mais alors, un spin-off sur Han Solo, voilà. Je trouve que de rester juste avec les espèces de souvenirs, les anecdotes, et on n'a pas besoin de voir ces anecdotes, on peut juste les imaginer. Pourquoi tout montrer? Ça sert à rien. Oui, non, mais c'est limite de la pornographie. Voilà, c'est ça. Et c'est nous, on se fait enculer. Oh voilà. La délicatesse. c'est poétique. Moi je sais pas quoi dire. Non mais c'est dommage. Pourquoi tout montrer? Je ne comprends pas la démarche de dire on montre tout. Ouais. Pourquoi? Non mais moi non plus. C'est vraiment quelque chose que je déteste et je comprends pas. Autant on peut les critiquer parce qu'ils font 3000 projets de films, mais après s'ils vont dans d'autres coins de la galaxie qui montrent d'autres histoires, mais purement commercial quoi. Oui. Ah, mais ça se voit, C'est que c'est même plus caché, limite presque. Ça se sent et il pourrait. Enfin, voilà, c'est vraiment. Il n'y a plus aucune honte à le montrer, quoi. Que c'est ça. Voilà, ils montrent tout et ils assument, en fait. Et puis, en plus, en supprimant Phil Lord et Chris Miller, enfin, en les évinçant du truc, il y a quand même cette idée de surcontrôler tout. Donc là, le film, en plus de ne pas être intéressant, il va être formaté. Donc. Après je dis pas, peut-être que devant le film je dirais finalement ça me oui ou alors c'est possible façon, oui voilà c'est on peut s'attendre à tout, ça se trouve ça serait une bonne surprise, on n'en sait rien, mais bon moi pour le moment c'est vrai que j'y crois pas trop. Voilà. Ils me le vendent pas bien en tout cas, hein. Non, ils le vendent très mal donc bref, après ça vient peut-être aussi du projet en lui-même, hein, qui nous tente pas spécialement déjà de base. Des choses qu'on n'avait pas tellement envie de voir, comment Han Solo s'est fait. Ça nous suffisait de savoir, d'avoir par exemple les romans, c'est pas quelque chose qui va détruire un univers, c'est quelque chose qui va l'enrichir, mais qui va pas non plus imposer sa vision. Et contrairement à Disney, qui a annoncé que de toute façon tout ce qui avait été fait avant qu'ils arrivent, n'est plus canon, ne fait plus partie de la saga, donc tous les romans qui ont été écrits, tous les comics, tous les jeux vidéo, etc., ça fait pas partie de l'histoire. Donc c'est aussi une manière aussi d'imposer son idéologie, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi. Voilà, passons à la suite. Passons à Deadpool 2. On a enfin les premières images, donc la première, un vrai teaser cette fois-ci. La dernière fois, c'était plus une parodie, voilà. Là, on a des images du film Deadpool 2, du coup, voilà, qui sortira le 16 mai 2018 déjà au cinéma. On retrouve bien sûr Wade Wilson, donc. Ryan Reynolds, voilà, merci. Le pote à Marianne. Non, il me saoule, lui. Oh là là là là. J'ai un avis encore sur le. Ouais, vas-y. Ouais, on en parlera. Je finis juste en disant. Fini, et donne-moi vite la parole là que je m'énerve. On découvre le Cable, donc le super vilain Miomi Machine. C'est le nouveau méchant du film. On retrouve aussi les personnages qui étaient dans le premier, donc Vanessa, Weasel ou Hal. Voilà, Bah, je vais peut-être laisser la parole à Morgane tout de suite, comme ça il pourra s'énerver. Voilà, vas-y. J'ai même pas vu le teaser. Non, mais tu peux pas. Non. Hein ? Vas-y. Non, mais je l'ai pas vu, mais en fait, je me suis contenté, malgré moi, des affiches. Et encore une fois, toujours de jouer. Là, il y a une espèce de parodie sur Flashdance et tout. Mais ça m'énerve parce que ça joue encore sur une espèce de coolitude, pour moi, qui est aussi insolente qu'un élève de CM2 qui jette sa craie sur un prof, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est dommage. C'est dommage. Ta mère en stream sur internet. mais c'est ça. En fait, il n'y a rien d'irrévérencieux, ouais. Il n'y a rien d'insolent. J'ai de la vraie insolence. Vous regardez Kick-Ass de Matthew Vaughn et vous êtes servi. Que là, c'est, encore une fois, ça va jouer sur une espèce de one-man oui, show c'est centré ça, c'est autour c'est plan du personnage plan, de Deadpool. C'est très, mais c'est franchement très limité. C'est vraiment c'est puéril. C'est une blague, il n'y a rien d'insolent, il n'y a rien d'ultra violent non plus. Je trouve quand même que le premier est une petite escroquerie quand même, parce que, et là pour le coup avec Adrien, je sais qu'on est d'accord pour une fois. Et comme le premier. Alors voilà, le niveau marketing, c'est très bien. Ah, c'est très bien, le premier avait une histoire, voilà, le coup de la Saint-Valentin, tout ça. Oui, c'est très bien. Mais là, il réitère le truc. Et franchement, ça me saoule parce que toute cette campagne marketing et tout pour vendre le truc, pour vendre non pas le film, mais nous promettre qu'on va rire et puis que ça va être un film méta et tout, bah non. Je l'ai eu avec le premier, j'ai vu ce que ça a donné et ça m'énerve de vendre ce film uniquement sur ce concept qui, je trouve, ne tient pas parce qu'en plus, il est totalement mensonger. Mmh. Voilà. D'accord. Et ça m'énerve. Ok, très bien. Eddie. Bah en fait, ça m'emballe pas plus que ouais. Ça m'emballe pas plus que en fait ce qui a été fait la première fois quoi. Mmh. Ouais. Ça a l'air d'un ennui. Enfin non quoi. Enfin moi ça m'intéresse même pas quoi. En fait, tout ouais. Simplement. Je pense qu'il y a, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais sachant que de nous trois, tu es quand même celui qui a qui a préféré le Deadpool. Ouais, hein. Donc, ça dit quelque chose sur le film. Ouais, mais là pour le coup, aucun intérêt. Ah ouais, non, mais en fait, enfin, je le verrai, mais ça sera même pas par curiosité. C'est vraiment parce que faudra que je me fasse un avis, je pense. Mais ouais. Ça, non, ça me botte pas du tout et ça a l'air d'être faussement cool, ouais, encore une fois, et faussement irrévérencieux, ouais. Et ça me botte pas. Tant pis, hein. Ok. Oui, bah oui. je vais pas le cacher, c'est pas le film que j'attends, enfin, clairement, je l'attends pas beaucoup, même pas du tout, mais il y a juste un moment dans le teaser que j'ai trouvé marrant, c'est quand il s'amusait avec les jouets qui refaisaient la scène d'action en parodiant un peu Toy Story, ça m'a bien fait rire, voilà, mais sinon le reste, ça a l'air d'être la même chose que Deadpool, le premier du nom. Donc pas si terrible que ça, et bon, on espère que cette fois-ci, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont quand même que le réalisateur s'est un peu bougé les fesses, que c'est pas aussi dégueulasse, ça a pas l'air d'être aussi dégueulasse visuellement, parce que c'était atroce à regarder. Ah ouais. Le premier, là ça a l'air quand même d'être un film professionnel, un truc. Franchement, ça avait des airs d'amateur et pas le bon côté des films amateurs. Vraiment, c'était vraiment voilà. Donc voilà, pourquoi pas, on verra bien. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Passons encore à un autre teaser, cette fois-ci aussi de super-héros. Mais dans l'univers Spider-Man, du coup, et le teaser de Venom, dont la sortie en salle est prévue pour le 10 octobre prochain. Donc Venom sera interprété par Thomas Hardy. Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. soit Eddie Brock, qui est le porteur historique du symbiote dans les comics, qui est le journaliste et qui est journaliste au Daily Bugle et qui s'est fait renvoyer par la faute de Peter Parker. Licencié et en pleine séparation avec son épouse, il tombe alors dans la dépression et n'aura de cesse de vouloir se venger de l'homme araignée. Voilà. Sachant que c'était Topher Grace qui avait déjà interprété le rôle dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Réalisé Venom du coup par Ruben Fleischer, à qui l'on doit Bienvenue à Zombieland. Voilà. On sait peu de choses sur l'histoire du film, mais apparemment il s'inspirera des arcs narratifs des comics Little Protector et Planet of the Symbiotes, dans lesquels Venom est contraint de lutter contre des symbiotes clonés qui sèment la terreur autour d'eux. On peut d'ailleurs apercevoir au détour d'un plan le fameux organisme extraterrestre. Voilà. Donc 10 octobre 2018, Tom Hardy, Venom. On ne sait pas du tout s'il y aura une apparition de Tom Holland. Ça ferait vraiment tâche dans le film vu l'ambiance du teaser qui a l'air beaucoup plus sombre que Spider-Man Homecoming. Mais pourquoi pas. J'ai quand même des doutes parce que il me semble que ce film est réalisé, est produit par Sony Pictures et pas par Marvel en lui-même. Et du coup, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour les histoires de droits comme d'habitude. C'est un peu spécifique vu les deals qu'ils ont fait. Je sais pas vraiment comment ils se sont arrangés, mais voilà. Donc, est-ce que ce teaser vous a intéressé, Eddie? Est-ce qu'il t'a intéressé? Est-ce que t'es intéressé de voir ce film? Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Mais vraiment. Ouais. Je ne vois pas. Là, vraiment, c'est clairement le truc. Mais je m'en fous. Mais alors là, c'est clairement pas un personnage qui m'intéresse. Je m'en branle, mais complètement. Voilà, pour être tout à fait franc. Donc, allez voir si vous voulez. Non, mais alors, moi, je m'en fous, mais royalement. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Faut pas être plus clair que ça. Non, mais après, c'est normal. Vu, la lassitude qu'on a par rapport au film de super-héros, c'est qu'on en bouffe tout le temps à toutes les, pas toutes les sauces, à la même sauce justement, et qu'on en a marre de voir la même chose, quoi. Donc là, ça a l'air d'être toujours la même chose, Venom, cool. Bref, si c'était sorti il y a 10 ans, on aurait été un peu plus enthousiasmé parce que ça. Okay, attends, voilà, mais une bande annonce. Enfin, parce que bon, je l'ai pas vu parce que je m'en fous. Mais ouais. C'est une bande annonce du mais sans le personnage en plus dans la bande annonce. Oui, enfin c'est un teaser donc ils se permettent de pas le montrer. C'est assez formidable quand même. De pas révéler la transformation. Ils montrent quand même Tom Hardy. Hein. Oui, bah heureusement. heureusement. Mais à la fin franchement, il faut le voir juste pour à la fin du teaser Tom Hardy qui bouge dans tous les sens avec sa tête et qui c'est très drôle à regarder. Ouais. C'est vraiment c'est hilarant à voir. Moi je me suis éclaté de rire. C'est le seul truc intéressant du teaser parce que sinon ça a l'air sans intérêt véritable. Morgan, toi? Moi aussi je m'en fous. Non mais clairement ça m'intéresse pas. Puis, encore une fois Tom Hardy, ouais. Je suis il me passionne pas trop, quoi. C'est pas l'acteur qui me hype le plus. Voilà, mais là non, quoi. Ouais. Venom pour Topher Grace, ça me suffisait. Ouais, franchement il était très bien. Enfin, je sais que beaucoup critiquent Spider-Man 3. Je sais qu'avec Morgan évidemment, il est très bon, il est bon. Ouais, voilà, même par rapport à tous les films qu'on se tape aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire qu'il est très bon, Spider-Man 3, dans ce qu'il fait. Parce que même s'il a été un peu charcuté par Sony, C'est clairement pas le niveau qu'on se tape de nos jours, quoi, vraiment avec les films de super-héros. Bref, on passe à la suite, un truc, parce qu'on n'en peut plus là, qui nous intéresse beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Qui nous enchante tellement beaucoup plus. Et ça a aussi à voir avec les super-héros, mais c'est quand même Mouais. un. Oh, attends. Si. Quand même. Attends. Ah, moi j'ai la hype Bande-annonce des totale. Indestructibles 2. Mouais. Darling. Tu vas pas me dire que t'attends pas ça. T'as vu quand même là. Si, je voulais juste vous embêter. Bien sûr que je l'attends, Brad Bah Bird, tout oui. ça. Oh Ah là oui, là. attends. Morgane, s'il te plaît. En plus, il est dans mes Cesse attentes de de faire l'année. Hein. l'enfant. Je crois qu'on l'avait tous mis dans nos attentes. Bah Donc c'est oui. vraiment qu'on est on est hypé à Mais je mort. sais, darling, je sais. Donc toujours mis en scène par Brad Bird. Il sort le 4 juillet prochain dans nos salles et il se passe directement à la suite du premier volet du coup qui voyait Bob par alias Mister Indestructible combattre Syndrome, son plus grand fan. Le super-héros est de retour en Super Papa alors que sa femme Elastic Girl est appelée à reprendre du service. Monsieur Indestructible se retrouve seul pour s'occuper des enfants. Voilà, et le changement de vie. Il ne s'habitue pas à ce changement de vie. Voilà. J'étais en train de formuler la phrase parce qu'elle est mal formulée, je trouve, sur la news. Bref, donc côté casting vocal, j'ai pas d'infos sur la VF parce que la bande-annonce, je l'ai vue en VF, mais Oui, alors moi j'en ai une info, vas-y. j'ai l'impression que c'est la même, enfin, ça a l'air d'être le même casting, hein, parce que Non. non, pas du tout. Non, le personnage de Monsieur Indestructible était doublé par Marc Alfos dans le Ouais. film. Voilà. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, on va le dire, il y en a beaucoup qui disent oh, c'est nul, c'est pas la même voix. C'est un petit peu normal, Marc Alfos est mort en 2012. Oui. Donc, il y aura un petit problème pour le faire travailler, il est un peu indisponible. Donc, du coup, voilà, au niveau du casting, enfin, en tout cas, c'est sur, j'ai eu cette info-là par Morgane Bérard, à qui je fais un petit coucou. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est une spécialiste du doublage. Elle fait un boulot, mais dantesque sur. C'est une encyclopédie du doublage, vraiment. Et c'est sur son mur Facebook à qui qui a fait la remarque et tout. Et c'était très pertinent, et voilà. Mais franchement, allez voir sa chaîne YouTube, c'est. Je crois que quiconque a tapé justement doublage sur YouTube est tombé sur sa chaîne, Morgane Bérard, elle Oui, est ouais. absolument, c'est une érudite du doublage, vraiment. Ouais. Donc voilà. Oui, Brad Bird, toujours la réalisation. Ça a l'air magnifique visuellement déjà. Ça a l'air très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri, surtout avec le problème de maths. De flèche qui m'a enfin la façon dont il le règle ça m'a bien fait rire. Donc voilà, l'abondance est assez courte, je trouvais, mais elle montre pas mal de choses. Eddie, toi, tu en as pensé quoi? J'ai détesté. Ouais, bien sûr. Non, non, bah non, forcément, là j'attends avec impatience parce que ça va être trop cool. Voilà, grosse prédiction. Non, non, bah oui, je suis hyper impatient de le voir parce que le premier est vraiment génial et bon, on a déjà dit plein de choses dessus, mais c'est vrai que les Indestructibles, en plus, c'est la suite qu'on n'attendait pas vraiment, quoi. Ouais, non, Donc c'est clairement. la bonne Et surprise et c'est ouais. vraiment... Non, je suis très content là. Surtout d'avoir Brad Bird En derrière plus, ouais. toujours, ouais, c'est une très bonne nouvelle. En plus, je trouve que d'avoir choisi de le faire direct, enfin de faire suivre l'histoire directement après le premier, c'est une très bonne Ah idée. oui. En plus, ils peuvent se permettre de faire ça avec un film d'animation puisque les acteurs ne Bah vieillissent pas. oui. Du coup, Forcément. c'est juste parfait, quoi. Donc Puis visuellement, voilà, ça a encore c'est l'air d'être quelque chose, hein. ouais. Ouais. Je pense qu'on n'a pas vu grand-chose en plus de la Oui. bande-annonce, mais ça en fout déjà pas mal dans la tronche. Donc voilà, on attend d'être le 4 juillet 2018 impatiemment pour qu'on voit enfin ça. Sachant que le premier opus avait quand même remporté l'Oscar du meilleur film Et d'animation, c'était mérité. largement. Voilà. Et on passe à la dernière news, enfin. ça fait beaucoup trop longtemps qu'on enregistre. Trop. Oui. Donc, on va faire vite parce que. Ouais, on va faire vite parce que ça intéresse pas beaucoup de monde. Il y a que moi, je crois que ça intéresse. Ouais, ça intéresse que Eddie, donc ça, c'est, ça concerne ça ou It. Mm. La suite, du coup, et le site Variety a annoncé que Jessica Chastain, qui a déjà joué dans Mama d'Andrés Muschietti, serait actuellement en négociation avec le New Line pour incarner Beverly dans la suite. Elle est en pourparlers activement et, voilà. Et ça, ça semblerait quand même se confirmer, oui, ça, hein, ouais, au fur et à mesure. Se confirmer. Donc c'est cool. Donc tenu le rôle de Beverly tenu dans le premier volet par la jeune Sophia Lillis, qui était excellente d'ailleurs. Oui, non, c'est enfin, vrai. Tous les enfants étaient bons, de toute façon. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le casting était plutôt bon. Hein. C'était un des... C'est le clown qui allait pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Que... Non, moi j'ai. Désolé, Will Poulter aurait été mieux. Enfin, déjà, il faisait peur, de toute façon. Mais. Voilà. Et donc, la comédie. La danse de ça. Donc, Sophia Lillis, la comédienne de 16 ans, a tout aussi ouvertement fait connaître son enthousiasme à l'idée que la star Jessica Chastain reprenne son rôle. Pour devenir son visage alors adulte 20 ans plus tard. Et là, Vas-y. Et là, comme la malédiction continue, et là, c'est coupé au montage aussi. Après un choix éditorial, nous avons décidé que Jessica Chastain ne. Non. Là, bah, mais fuck, il y a un problème là. Non, mais par contre. Sachant qu'elle va aussi être. Enfin, le rôle de la méchante dans X-Men Dark Phoenix, ça se trouve. Ouais. Aussi être... C'est vrai. du coup, oui, bah, oui, alors forcément, c'est super parce que bon, Jessica Chastain correspond au rôle, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, c'est vrai que physiquement, il y a eu beaucoup de gens qui avançaient Amy Adams, ouais. Et c'est vrai que pour s'il avait vraiment voulu jouer sur les similitudes physiques, Amy Adams était plus appropriée parce que, mais Sophie Lillis, c'est vraiment une. C'est une mini Amy Adams, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, hein. Ouais. Elles ont le même visage, elles ont les mêmes expressions. C'est assez troublant, même. Donc, bon. Là, enfin, moi, oui, je pense que c'est un bon choix de casting, de toute façon. Non, bah oui, de toute façon. C'était soit Amy Adams, soit Jessica Chastain. Mm. C'est de toute façon des bons Elle choix sera de casting, toute façon meilleure que celle qui jouait dans le téléfilm, qui jouait la mère de Clark dans Smallville. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, en finesse. Ouais. Bref, donc voilà. Morgane, toi, je pense que ça t'intéresse pas beaucoup. Pas le moins du tout. Ouais, voilà, vu que tu as à peu près le même avis que moi sur ça, c'est que c'était sans grand intérêt. Voilà, mais comme je l'ai dit quand tu avais posté sur Facebook, Eddie, c'est un bon choix de casting, même si le film ne m'intéresse pas, quoi. Donc voilà. C'est ça. Non, mais le choix de casting est très bon. Mais j'aurais préféré Amy Adams. Ouais. Quand même. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que je me dis évident, oui, que l'une comme l'autre, de toute façon, j'aurais trouvé ça très bien. Hmm. Ça se trouve, elle n'était pas disponible. Peut-être, hein, oui. C'est possible. Hein. C'est vrai que les donc, fans voilà. ont réclamé en plus. De toute façon, il y avait deux camps, il y avait Amy Adams et il y avait Jessica Chastain, mais j'ai l'impression que, bon, même si c'est pas Amy Adams, tout le monde se mettra... Enfin, je pense pas que ça gêne vraiment, quoi. Ouais, ok. Très bien. Bon. On a pas fini. Ouais. c'était très long. Là, ça fait 2h36 d'enregistrement, à peu près. Au montage, il y avait des news, hein. Ouais, il y en avait beaucoup. La digression, oui, un aussi, petit peu aussi. Bon, je sais pas. Donc voilà. Merci à vous deux d'avoir sacrifié votre temps. Oui, et votre, je t'en prie. Votre temps d'esprit. C'est ça, là ça devient très très dur. Là. Ouais. pour faire ce podcast. Voilà, donc je vais rappeler. Et merci aussi aux auditeurs d'être restés aussi longtemps. Si vous êtes restés aussi longtemps, vous êtes. Les True Warriors, les vrais guerriers. C'est ça, c'est sûr. Donc, je vais rappeler, vous pouvez nous retrouver si vous voulez voir, si vous voulez écouter nos podcasts ou voir nos vidéos ainsi que lire nos critiques, c'est sur moviesnerd.net. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Movies Nerd tout court. Ensuite, Twitter, c'est Movies _ Nerd. Même si on a critiqué Twitter, allez nous follow. Mmh. voilà. Créons une meilleure communauté sur Twitter. Voilà. Ensuite, vous pouvez noter le podcast sur iTunes et PodCloud. Comme je l'ai déjà dit et je le redis, ça fonctionne pas. Je fais tout pour... J'avais déjà lancé un appel dans le dernier podcast. si quelqu'un s'y connaît en flux RSS, qu'il me vienne en aide, parce que ça dépasse mes limites techniques, là, personnellement. Donc voilà. Je vais bientôt être en vacances et je vais passer du temps dessus, parce que j'ai vraiment envie que ça revienne, parce que c'est pas possible d'avoir manqué autant de podcasts sur PodCloud. Donc voilà. Je peux rien vous promettre, mais je fais tout pour, croyez-moi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Movies Nerd et Sens Critique. C'est The Lexal, THELEXAL. Eddie. Alors moi, du coup, Sens Critique, Movies Nerd et Stark. Mmh. Sur Steam, c'est Istark91. Sur Discord, c'est Istark91 hashtag 2976. Tu t'es mis à Discord. Parce que ça y est, merde. On a présenté mon parc dans un spotlight américain. Oh, voilà. Du coup, on m'a demandé de rejoindre le Discord d'une communauté de fans pour pouvoir participer à des concours et booster booster mes créations aussi, quoi. Bravo. Donc, du coup, allez voir ta chaîne YouTube. Et du coup, sur YouTube, c'est Istarkplay. Voilà. Et j'essaie d'en faire régulièrement. Ça dépend en fait du temps. Mais ça arrive petit à petit, donc voilà. Non, mais c'est toujours sympa à regarder en tout cas. Morgane. Moi sur Twitter @cinemorgane, sur Vodcaster @cinemaniac, sur Facebook Morgane Sheridan, sur Snap @mcinemaniac, allez-y. Sur Instagram Mogo Sheridan. Et sur j'ai plus mon abonnement. J'ai la flemme de payer là, mais je reviendrai là le mois prochain, parce qu'il paraît que les jeux du mois de PS4 vont être ouf. Ok, d'accord, très bien. Voilà, on vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Je vous remercie tous. Beaucoup. beaucoup. vraiment là. merci à vous d'avoir participé encore. Et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 30. De Parlons Cinéma. D'ici là, on vous dit bonne nuit si c'est la nuit, et bonne journée si c'est la journée, et en tout cas à la prochaine. Salut. Salut. Ciao, belle.